Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Exerve. Salut. Je suis avec Maxime. Salut. Et messieurs, je nous souhaite un magnifique premier anniversaire, puisque ça y est, ça fait un an que notre émission existe, avec un premier épisode sur Céleste. Oui, souvenez-vous. C'est vrai. Ah, que de souvenirs, oui. C'est à la fois loin et près de nous. Ah, c'est beau. Non mais t'as le sens de la formule, mon petit Hugo. Oui, oh, bah, quelle formule originale en plus. C'était il y a quoi, il y a 2000 jeux à peu près, quelque chose comme ça. Ah oui, en temps Exerve. Ouais, en temps Steam, c'est pas loin d'être. On doit être à plus de 10 000 et des brouettes. Ah, à ce point-là, déjà. C'est combien par semaine à peu près déjà? Entre 150 et 180, ouais, ça dépend. Mais de toute façon, là, cette année, ça sera 11 000 à peu près. Donc voilà. Eh bien, nous, on en a fait 24. Voilà, ouais. C'est le 24e épisode. Ah bah, on lâche rien, on y arrivera un jour. On est derrière, mais on est là. Voilà, on voit l'objectif au loin, mais on est derrière. Non, mais ça a été une bonne première année. Oui, enfin, tu vois, exactement. Moi, je suis quand même vraiment content de là où on en est avec l'émission. Moi, ça m'éclaircit mes journées, tu vois, quand vous êtes là, je vous entends raconter vos conneries. Beau. J'ai le droit, vous avez pas, évidemment, vous, hein, tous les petites disputes de couple pendant la demi-heure qui précède l'émission, à chaque fois, c'est des grands moments. Non, mais 24 épisodes, ça veut dire donc deux par mois, hein, sur c'est un an. C'est vrai qu'on a été régulier. Ouais. On a bien tenu la régularité. Quand même, quand on regarde aussi tous les jeux dont on a parlé, on a pas mal assuré quand même la diversité. On a eu quand même un beau programme jusqu'ici. On sait qu'on va avoir un beau programme encore. On a réussi à sortir du long tunnel d'exclusivité PlayStation. C'est, bon. C'est vrai qu'au début on a commencé avec pas mal de grosses exclus Sony, mais bon, c'est pas forcément innocent non plus, parce que bon, c'est quand même des grosses cartouches et c'est bien de pouvoir commencer avec des jeux qui vont pouvoir rameuter du monde. Bon, y en aura d'autres des exclusivités PlayStation de toute façon. Je crois et que d'autres là d'autres grosses cartouches hein, d'ailleurs comme c'est le cas aujourd'hui. Effectivement, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un jeu culte, d'un jeu sacré même hein, presque hein, c'est la religion. Mais avant ça, il faut remercier tous les gens qui nous soutiennent maintenant depuis plusieurs mois sur Patreon. Parce que ça fait quand même aussi un moment qu'on a lancé notre Patreon. Très important pour soutenir l'émission, pour continuer à la faire vivre, pour nous donner simplement l'opportunité d'avoir le temps de la faire, tout simplement. Et puis on remercie également Third Edition qui nous font confiance depuis aussi un bon petit moment. Donc la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Ils ont fait pas mal de salons ces derniers temps. Bah, ils étaient au TGS là, enfin, ouais, le Toulouse Game Show. C'est l'autre Tokyo, TGS, mais presque, ouais. Voilà. Presque aussi connu. Hein, c'était façon. Pour la sortie de leur bouquin sur Jojo, Bizarre ah, oui, Aventure. Ah oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Qui a l'air de plutôt bien marcher. Hein, si ouais, si ouais bah, ça me choque pas. De toute façon, c'est. C'est le genre de licence qui est à la fois de niche, mais qui a une niche extrêmement ouais, attachée. Qui est tellement active qu'en fait, ils se jettent dessus. Hein, tu vois, quand ils avaient sorti Berserk, bon, Berserk, c'est beaucoup plus connu que Jojo, mais tu le sens à chaque fois, il y a ce genre de truc, et c'est la première fois, en fait, qu'on parle de ces œuvres-là, ou en tout cas avec ce ton-là, donc forcément, ça marche. Toi, donc, ben, moi qui lis pas mal de mangas, tu connais, toi, Jojo, c'est bien? Eh ben, écoute, moi, j'aime pas trop. D'accord. Tu vois, en fait, non, mais j'ai voulu... en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu commencer dans les premiers arcs des années 80, et Jojo, ça a vraiment explosé, a priori, plus tard, et je pense que je vais peut-être sauter quelques chapitres pour aller, parce que oui, l'univers, il est assez fou, les personnages, ils sont vraiment en couleur, etc., mais bon, il y a des moments où ça tourne un peu en rond, donc voilà, c'est pas grave. Et puis c'est le genre de truc où il y a déjà 1500 volumes de disponibles, donc si tu veux te lancer dans l'aventure, soit faut avoir un gros compte en banque, une bonne carte de voilà, médiathèque, hein, parce que sinon... et du temps devant toi, quoi. Mm-hmm. Très bien. Eh bien, maintenant que tout ça s'est dit, on va pouvoir parler de ce fameux jeu sacré, puisqu'on va parler d'Undertale aujourd'hui. J'imagine que Maxime n'aura pas de mal. Enfin, peut-être que si, justement. T'auras du mal à trouver une musique question, tellement, tellement le jeu est garni autant, de tubes. Voilà. Tu vois, Resident Evil 2, c'était une évidence. Mais là, c'est compliqué. Ça a fait rire quand même pas mal de monde. Je dois avouer que sur l'épisode, donc sur RE2, moi, j'écoute le vendredi matin, j'écoute quand même toujours un petit peu histoire de me remettre un peu dedans, de voir si je ne suis pas trop ridicule dans mon intro. Et c'est vrai que la musique me fait beaucoup rire. Mais là, oui, pour cette fois, pour Undertale, ça va être plus difficile trop le choix. Bah, on a un peu plus de 100 morceaux dans l'OST. Bon, on va peut-être jeter une pièce et puis on verra ce que ça donnera. On verra qui sera le grand gagnant vendredi. J'en serai peut-être à un vote sur Discord. Écoute, voilà, peut-être que ce sera fait. C'est bien parce que dans la timeline, les gens écouteront tout ça. Ça a déjà passé. Mais on va pouvoir commencer. C'est parti pour un nouvel épisode. Thank you. Undertale, qui est donc sorti en septembre 2015. Est-ce que vous voulez une anecdote perso rigolote sur Undertale? Bah vas-y, moi j'en ai aussi, vas-y. L'anecdote rigolote, c'est que sachez que c'est un de mes tout premiers, si ce n'est le premier jeu que j'ai acheté sur Steam, puisque avant 2015, je ne jouais pas sur PC. Voilà, j'étais un consoleux pur jus, et que ma bécane que j'ai encore aujourd'hui, eh bien je l'ai reçu fin 2015, et je crois que Undertale, c'est un des premiers jeux que j'ai installé dessus, et Maxime s'était d'ailleurs moqué de moi en me disant « Ah bah ça vaut bien le coup d'acheter une grosse bécane pour faire tourner Undertale ». Donc voilà, c'était mon anecdote. Ça peut te rassurer, j'ai entendu à peu près 3 mois de blagues similaires quand j'étais chez Gamekult après l'avoir testé, sur le fait que bah, c'était bien la peine que t'aies un gros PC, machin, ouais, toujours le même genre de blagoon quoi. Et bah désolé. Bon voilà, ça c'était pour l'anecdote rigolote. Du coup, Undertale qui est sorti donc sur PC, ça vous l'avez compris, il est sorti aussi sur PlayStation 4, il est sorti aussi sur Switch, encore un jeu tout destiné pour la console de Nintendo. C'est le jeu quasiment d'un seul homme, Toby Fox. Je dis quasiment parce que il y a quand même Timmy Cheng qui a bossé sur toute la partie graphique du jeu. Elle a fait notamment les assets des ennemis, l'habillage du level design. Donc Timmy Cheng, c'était une ami de Toby Fox. Et Toby Fox, qui est probablement un des plus jeunes créateurs dont on a parlé dans l'émission, puisque il a, à l'époque où il lance le Kickstarter, on va en parler un petit peu après, il a 22 ans, sachant qu'il est né 11 jours après moi, donc le 11 octobre 1991. Donc, 22 ans aussi ? Hein ? T'es né en 91 toi ? Bah oui, comme lui. Bah, voilà. Oui. Et okay. Non mais ce qui est bien, c'est qu'on lui apprend à chaque épisode. C'est pas la première fois. Avec l'âge, forcément, j'oublie. En fait, toi, tu fais une espèce de reset, un petit peu comme un certain personnage dans le jeu. Il y a tellement de trucs, je suis obligé, sinon je retiens trop d'informations. Et donc, est-ce que t'as fait Undertale, toi, du coup, maintenant, dans ta vie? Non. Pardon, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que moi, j'ai un milestone comme ça d'accomplissement? Mais écoutez, voilà, moi, j'ai une chaîne YouTube avec 50 000 abonnés. Voilà, je pense qu'on peut le dire. C'est pas mal, assez respectable. Non, effectivement, je préfère ne pas trop me comparer. Vous les avez vus, ces espèces de trucs, ça c'est les 30 people, ouais. Under 30, ouais, bah, les gens, ouais, qui ont 30 ans, 30 personnes qui ont 30 ans. Pour mettre la pression, voilà, exactement, que tu te rends compte, quoi, t'as rien fait de ta life, et les gens qui ont accompli des trucs, ouais, de fou. C'est des conneries, voilà, c'est des conneries. Du coup, a fait partie de la sélection. Exactement. Qui c'est ça déjà? C'est Forbes, j'imagine. Super. Voilà. C'est un petit marronnier tous les ans. Du coup, jeune créateur qui n'avait pas forcément un gros background dans le jeu vidéo, puisqu'il avait juste l'habitude de faire un peu des jeux sur Game Maker avec ses frangins, et il était aussi assez actif dans certaines communautés de fans autour de JRPG, notamment celle de Earthbound. Donc Earthbound, c'est Mother 2, le deuxième épisode de la série Mother, qui s'appelle donc Earthbound en Europe Occident, et en Occident. Voilà, tout à fait, merci Maxime. Et qui était dans cette... Maxime qui fait des petits signes, c'est pour ça que je rigole, mais qui était dans cette communauté et qui a donc fait des ROM hacks. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ROM hack? C'est on prend la version numérique du jeu et on va modifier des assets graphiques, on va modifier des dialogues, bref, on va twister des trucs pour créer une nouvelle version du jeu. Et donc il était assez actif à ce niveau-là. Mais voilà, c'était le peu de bagages vidéoludique qu'il avait, en tout cas de création de jeux vidéo. Il était surtout musicien, c'est surtout pour ça qu'il était connu entre guillemets sur internet, complètement autodidacte, compositeur autodidacte. Je crois qu'il a étudié c'est les sciences environnementales ou un truc comme ça. Donc voilà, quand il a 22 ans, il est étudiant, il est à l'université, et il décide de lancer un Kickstarter pour financer la création d'un jeu qui sera aussi quand même à la base un hommage à Earthbound, donc à la série Mother. Kickstarter pour lequel il demande $5,000. Et il en obtiendra 50 000, donc c'est 10 fois plus, mais finalement, c'est quand même pas beaucoup par rapport aux grosses sommes qu'on connaît sur Kickstarter. Là, l'avantage, c'est que comme il a été quand même essentiellement tout seul, même si t'enlèves les frais, les machins, oui, tu peux tenir quand même quelques années tranquillement en te serrant un peu la ceinture, donc ça fait partie des rares exemples où on peut se dire que le Kickstarter a quand même financé le gros du jeu, très clairement. Bah là, sur 32 mois, j'ai calculé, ça faisait $1,500 par mois. Donc, voilà, ouais. C'est ça. Bon, tu vis pas beaucoup. Hein, voilà, aux États-Unis, je pense que $1,500. Exactement, c'est pas pareil. Sachant que, fun fact, c'est quasiment la même somme qu'avaient obtenu les gens qui ont fait Hollow Knight, un autre jeu dont on a déjà parlé. Alors, je ne veux pas qu'on s'amuse à faire des comparaisons, hein, c'est pas du tout lieu, mais voilà, c'est à peu près la somme que d'autres personnes avaient eu. Alors, par exemple, Hyper Light Drifter, dont on a parlé, c'était plutôt plus de 300 000. C'était 600 000, je crois. Ah, 600 000 je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Vous me demandez de sortir des chiffres, je suis pas prêt là, j'ai pas les fiches. On n'a pas Wikipédia, puisque tout notre travail se fait sur Wikipédia, vous le savez bien. Donc, il se lance sur 32 mois de développement. Il y a trois grosses inspirations, trois trois grosses licences à prendre en compte dans la création de Undertale. La première, je le répète encore une fois, c'est la série Mother. La deuxième, c'est Mario et Luigi, la série qui a commencé sur Game Boy Advance, Mario Luigi Superstar Saga. Je sais pas si vous y avez joué. Moi, j'en avais fait un sur 3DS. Ouais, c'est moi, j'en ai de très bons souvenirs. Et il y avait notamment un système de combat en fait qui était au tour par tour. C'était du RPG au tour par tour, mais il y avait plein de mécaniques en fait de rythme, puisqu'il y avait un bouton qui était alloué à Mario, un autre qui était pour Luigi, et en fait, fallait appuyer en fonction des combos, des attaques. C'était très sympa. T'as ça juste pour l'anecdote dans Mother 3 aussi. T'as le système de combat où si tu tapes en rythme avec la musique, des combos et tu peux jusqu'à doubler tes dégâts. D'accord. Bah tu vois, c'était un petit peu le même délire dans Mario Luigi et toute la saga qui a déroulé. Et puis la troisième grosse référence, c'est Shin Megami Tensei, donc la série de RPG japonais qui est surtout connue en Occident pour son spin-off qui est Persona. Et voilà, c'est les trois grosses références qui ont vraiment infusé dans la création de Undertale. À noter aussi qu'il était assez réaliste dans ses ambitions dès le début. Dans une interview, il disait que tu vois, t'as plein de gens en fait, c'est bon, ils installent RPG Maker, ils disent je vais faire un nouveau Final Fantasy VII qui va durer 60 heures et ça ne donne rien. Hein, les trois quarts du temps, ça sort jamais. Clairement. Et lui, dès le début, il s'est dit moi je veux faire un jeu qui dure environ 2 heures. Ouais, c'était l'ambition de base. Ouais. Il a revu un peu à la hausse parce que voilà, il a quand même engrangé on a dit 50 000 $ avec le Kickstarter, donc il a pu se permettre un scope un peu plus grand. Et puis bon, il y a l'idée centrale du jeu dont on reparlera plus tard qui a dû aussi largement influencer toute l'aventure. Tout à fait. Et donc, le jeu, au bout de 2 ans et demi de développement, sort en septembre 2015. C'est marrant parce que c'est un jeu, contrairement à beaucoup de jeux dont on a parlé jusqu'ici, c'est un jeu où, au moment où il sort, il y a très très très très très peu de personnes qui le connaissent. J'en veux, par exemple, pour exemple, le fait que les tests en France, ils sont arrivés beaucoup plus tard que la sortie, puisque la sortie c'était en septembre, et les premiers tests en France, en tout cas sur les gros sites, que sont jeuxvideo.com et Gamekult, on a même le testeur qui est présent avec nous, on l'a invité exceptionnellement. Le testeur d'Undertale. Il est ici derrière le doigt. Ah merde, c'est quoi ? Et donc c'était sorti en novembre et sur Gameblog, pour citer le troisième larron un peu du paysage médiatique jeu vidéo, c'était sorti en décembre. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui, au moment de sa sortie, n'a pas non plus fait un gros bruit puisqu'il n'était pas attendu, à part les quelques personnes qui avaient backé le projet. Mais par contre, il y a eu un espèce de bouche à oreille qui s'est fait autour du jeu et très vite il a gagné une espèce de cote de popularité assez. C'est folle, on va dire. Je me souviens quand même fin 2015, au moment justement où j'installais le jeu sur mon premier PC, vous l'avez compris, on ne parlait quasiment que d'Undertale, et ça a culminé à un point comique qui était l'espèce, il y a eu sur un site qui s'appelle gamefax.com ou je sais pas quoi, il y avait un espèce de classement des meilleurs jeux ever sortis, et à ce moment-là, avec des votes donc sur des forums, et c'est Undertale qui est ressorti premier devant Ocarina of Time, et forcément... Sachant que le process sur GameFAQ, il est super long parce qu'en fait il y a des tonnes et des tonnes de poules et de trucs, ouais, donc ça, pour sortir déjà des poules c'est très compliqué, c'est que des trucs de versus, au début tu vas être opposé à plusieurs jeux etc, et au bout d'un moment t'es opposé face à un autre jeu, et c'est vrai que des fois c'est assez compliqué. Moi je me souviens que de voir, tu vois, quand tu te disais à la fin tu vois, je m'étais dit ça va être Ocarina ou FF7 ou Super Mario 64 ou tu vois ce genre de jeux qui sont évidemment incontournables, et de voir Undertale arriver aussi loin c'est rigolo a posteriori, mais finalement ça me choque pas tant, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a marqué énormément son époque. Moi, quand il est sorti, j'avais fait une vidéo sur Gamekult parce que ça m'avait intrigué de voir ce truc-là arriver. J'avais fait un point GK, ça s'appelait. Et je me souviens très bien de Boulapoir qui m'avait dit ouais, c'est l'espèce de pseudo Mother, c'est pas, tu vois, genre avec son petit geste dédaigneux parce que lui il est fanatique de Mother. Et quand après finalement j'ai retesté le jeu pour de vrai, moi j'ai jamais fait la série, hein, je pense qu'on le dira. Mother, c'est une série qui est sortie en Occident très récemment. Il y a Mother 2 qui est sorti sur Switch, je crois, ou sur Wii U, il y a pas très longtemps. Ouais, store virtuel ou sur le virtuel Wii U, ouais voilà. Mais avant, en fait, c'était des jeux qui étaient uniquement disponibles en émulation ou si tu lisais le japonais, donc c'était assez compliqué d'y accéder. Ça fait partie de ces jeux, tu vois, comme Seiken Sennetsu 3 auxquels on pouvait pas accéder nous comme ça tranquillement. Et juste au Japon, c'est sorti début des années 90. Ouais, voilà. Donc en plus, c'est très vieux, donc ça fait pas partie, toi, d'essayer d'autres choses. Mais voilà, c'était assez rigolo, juste pour revenir à cette histoire de concours, que ça soit Undertale, que ce soit considéré comme étant le jeu de la vie. Mais c'est aussi, ça cristallise bien l'époque, et de toute façon, on en reparlera. Undertale, c'est vraiment le jeu d'une période. Et ça pourrait paraître anecdotique tout ça, mais c'est quand même important parce que ça va avoir un impact quand même sur Toby Fox, qui lui, quand même, faisait son jeu de manière assez humble, même s'il avait quand même des vraies ambitions créatives, et vraisemblablement, elles ont plutôt été réussies. Mais clairement, ça l'a vraiment dépassé. Et surtout que bah, cette espèce de grande hype qui est née autour du jeu, bah forcément, ça a polarisé un peu les débats, ça a créé beaucoup de tensions sur Internet, et c'est, je pense, en partie pour ça que Toby Fox s'est vraiment éloigné de toute sphère d'Internet. Il a disparu complètement des réseaux. Il a fait un petit message un an après, pour l'anniversaire d'Undertale, donc en 2016, pour dire que voilà, ça avait été un petit peu, il avait été un petit peu submergé par tout ce qui s'était passé autour du jeu. Ça avait complètement dépassé ses, un tel succès comme ça pour quelqu'un qui a justement 22-23 ans et qui, enfin non, à l'époque il en avait du coup 24 ou 25, mais voilà, qui n'était pas créateur de jeu, se prendre tout ce torrent là de propos entre guillemets, ouais, ça pouvait être autant de l'amour que de la haine. Honnêtement, c'est difficile à gérer, je pense. Je pense pas qu'on ait assez d'une heure et demie ou deux heures d'émission pour juste essayer de résumer tout ce qui s'est passé autour d'Undertale, hein. La quantité du fandom qui s'est créé instantanément autour des personnages, les gens qui sont amoureux, tous les, évidemment la Rule 34, j'en parle même pas, mais tout le délire qu'il y a eu autour des différents personnages, des musiques, du visuel et tout, ça a pris une ampleur incroyable. Moi, j'ai pas souvenir en fait d'autres séries. Tu vois, il y a peut-être Animal Crossing qui arrive à déchaîner comme ça les passions, ou Pokémon, mais justement, c'est-à-dire qu'on part d'un petit jeu indé financé avec 50 000 qui arrive dans les sphères comme ça de jeux mondialement connus comme Pokémon, Animal Crossing, Mario, Zelda, etc. Donc c'était quand même incroyable. Je pense à Super Smash Bros, tu vois, à chaque fois qu'il y a une annonce d'un nouveau personnage, t'as cette espèce d'engouement où tu vois tout Internet qui d'un coup arrête de respirer et regarde le Nintendo Direct. Mais là, Undertale, c'est vrai que ça a duré pendant des mois. Hein. À partir de septembre 2015, on n'entendait plus que ça. Hein. C'était devenu presque assourdissant. Oui, et puis il y avait tellement de créations en fait, comme tu le dis, qui était dérivée du truc, c'est-à-dire qu'elle participait limite au jeu, c'est-à-dire que moi, il y a des personnages, maintenant, je les imagine via des fanarts plutôt que l'image qu'ils ont concrètement dans le jeu. Tu vois, Undine, bah, je la vois avec sa couleur bleue, ses trucs rouges et tout, alors que bah, dans le jeu, il n'y a pas vraiment d'indice comme quoi c'est sa vraie couleur. Donc, il y a des choses comme ça qui ont largement dépassé le jeu et qui ont participé à tout cette espèce de grande tornade, de tourbillon médiatique qu'il y a eu autour sur Internet, en tout cas. Et ce qui est compliqué à gérer, c'est comme on le disait, bah, il est quasiment tout seul en fait, sur ce projet, et en tant que créateur, bah, même lui, tu vois, pour lui, c'est pas un jeu, c'est pas le jeu incroyable. Et il dit pour lui, c'est un 8 sur 10. Ouais, c'est ça, donc tu vois, ton test n'était pas objectif. Mais j'ai hésité, hein, la légende veut que, enfin, l'anecdote, c'est qu'en gros, jusqu'au dernier moment, j'étais parti sur un 8, dans ma tête, c'était 9, mais qui est la note max hein, chez Gamekult, hein, on teste sur 9, mais faut pas leur dire, parce qu'ils aiment pas ça. Et du coup, jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, bah, moi, j'ai vraiment surkiffé ce jeu-là. Pour redonner le contexte, c'est mon histoire d'anecdote, bon, novembre 2015, pour pas mal de monde, c'est le test de Undertale. Pour moi, bah, c'était aussi les attentats du Bataclan. Et moi, j'ai pris en fait une semaine où je me suis cassé de mon boulot. Hein. J'ai pris une semaine sans solde. En plus, t'étais sur Paris. Ouais, j'étais sur Paris. On venait de déménager près de République. Enfin bref, c'était assez chaud comme moment. Et bah, moi, en fait, je me suis barré. J'étais allé chez mon ex sur Strasbourg. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai commencé à envisager de déménager. Mais justement, j'ai refait Undertale. Enfin, j'ai fait Undertale parce que je l'avais un petit peu lancé. J'avais fait la run neutre. Là, j'ai fait la run pacifiste à ce moment-là. Et c'est un peu le jeu qui m'a redonné foi en l'humanité, donc forcément ça m'a fait un tel bien, tu vois, un niveau personnel, que quand je suis revenu à la rédaction et que je leur ai dit, bah moi j'ai passé un moment dingue avec ce jeu, ça m'a fait oublier tout le reste, je veux lui mettre la meilleure note. Et à la dernière minute, il y a Pouillot et Boulap qui m'ont regardé et qui m'ont dit, non mais vas-y, tu mets 9 si t'as envie de mettre 9, tu mets 9, on s'en fout. Et effectivement, ça a mis 9. Dans les 5 secondes, c'est devenu n'importe quoi sur les forums. Je me souviens très bien d'un tweet du modérateur Quicks qui a dit, oh putain, Exerve, il a mis 9 sur 10, Undertale, je me casse, je veux plus être là, tu vois, je veux même pas voir les forums. Et c'est vrai que ça a pris feu dans les 5 minutes, parce que le jeu, à cette période-là, en novembre, il avait déjà été repris comme étant une espèce de flambeau politique qui opposait deux visions du monde. Et on en reparlera au cours de l'émission, mais ça, c'était un truc qui, effectivement, participe au fait que ça a totalement dépassé Toby Fox. Ouais. Quoi qu'il en soit, le jeu a été quand même globalement très très très bien reçu sur Metacritic, il a plus de 90. Aujourd'hui, c'est clairement un jeu culte, et en termes de vente, il s'est aussi très très bien vendu. Je pense qu'il s'est probablement plus vendu que les Mother. Enfin, je sais pas c'est quoi les chiffres de vente de Earthbound, mais très en Occident, ça doit pas être bien compliqué. La différence de parc installé, là en plus, il est arrivé sur Switch, qui est une console qui était forcément destinée pour ce jeu-là, parce que lui, il a quand même, c'est un gamin Nintendo, hein, il a grandi avec ça. Pouvoir faire un jeu qui sort sur Nintendo. Et puis même aujourd'hui, je veux dire, oui, tu vois, aujourd'hui, son destin continue d'être encore plus taré, quoi. Exactement, puisque aujourd'hui, donc il bosse avec Game Freak notamment. Il a fait toute la BO de My Little Hero, ou je sais plus comment ça s'appelle, qui est un jeu de Game Freak. Et il a aussi participé donc à faire quelques musiques sur il quelques arrangements de morceaux, Pokémon épée et bouclier. Et il y a le personnage de Sans dans Smash Bros indirectement, qui est arrivé, et il a pris son fameux dîner avec avec Sakurai. C'est vrai que ça, voilà, tu te dis, bah, quand ta vie, c'est ça, en quelques années, effectivement, la suite doit être assez compliquée à gérer. Il l'a dit, lui, il l'expliquait justement dans son post en 2016, il dit « Je suis OK avec le fait de ne jamais retrouver ce genre de succès, tu vois. Me va si jamais, si j'arrive pas à retrouver un tel succès comme ça, ça me va, tu vois. » Ça va, il est plutôt lucide là-dessus. Oui, c'est bien parce que t'en as un qui sont vraiment torturés, tu vois. Clairement, s'ils ont fait quelque chose, tu vois, un peu par accident, entre guillemets. C'est Jack Horseman, Non, mais oui, t'en as un vraiment qui peuvent se rendre compte qu'ils feront jamais mieux qu'un truc qu'ils ont peut-être même. Ils ont un peu pas fait exprès, tu vois, mais ils se rendaient pas compte. Ça les a dépassés complètement. Très bien, on va passer, comme d'habitude, à l'histoire d'Undertale. Et cette fois-ci, c'est notre cher Benoît qui va s'en charger, qui va nous raconter l'histoire de Frisk. Bah oui, alors bon, évidemment, je peux pas raconter toute l'histoire d'Undertale, hein, parce que c'est très compliqué, sachant qu'en plus, la particularité du jeu, c'est qu'il y a grosso modo trois grandes fins. En réalité, il y en a beaucoup plus que ça, parce qu'il y a tout un tas de petites alternatives. Mais l'idée générale, c'est donc qu'on va incarner un personnage qui s'appelle Frisk, qui est un enfant. Alors on sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais ça a absolument pas d'importance dans l'univers. Et qui se retrouve par hasard dans le monde des monstres. On a juste, en fait, l'intro, quand vous lancez le jeu, hein, vous avez le rappel, il y avait les monstres, les humains, ils se sont battus. Finalement, on a décidé de les séparer tous les deux par une grande barrière. Et normalement, aucun des deux mondes ne devait communiquer. Frisk, elle tombe, elle se retrouve un petit peu elle se retrouve face à Flowey, qui est une petite plante qui va essayer de la tuer. Elle va être sauvée instantanément par Toriel, qui est un monstre qui va l'adopter vraiment quasiment instantanément, hein. C'est vraiment la nana qui est en mal d'affection. Et à partir de là, en fait, l'idée, c'est d'essayer de sortir, tout simplement, de retourner à la maison et de comprendre un petit peu ce qu'il en est en rencontrant tout un tas de personnages. On va découvrir que les monstres, eux aussi, en fait, c'est eux les grands perdants de la guerre, puisque ils vivent sous la terre, ils n'ont plus de lumière, plus de soleil, plus de lune, etc. Donc ils ont quand même une vie de merde. Et cette barrière les empêche de sortir, sauf qu'il y a une prophétie, une magie, on ne sait pas trop, qui fait que s'ils arrivaient à réunir un certain nombre d'âmes d'humains, ils arriveraient à briser la barrière et pouvoir enfin ressortir. Et au moment où Frisk arrive, on le découvre quand on combat Ondine. Moi, je l'appelle Ondine, hein, je ne sais pas si c'est Undyne, très bien. Et du coup, en fait, ils en ont déjà 6. Donc potentiellement, Frisk pourrait être la personne qui va les aider à sauver le truc des monstres. Et donc, en fonction des actes, on va justement participer à sauver le monde des monstres ou tous les tuer. Ça va dépendre évidemment de ce qu'on va choisir dans le jeu. Mais voilà, en gros, l'histoire, je pense que c'est un petit peu ça. Ouais. Après, dans les faits, c'est vraiment des histoires de personnages, c'est des histoires de rencontres, hein, sûr, comme dirait l'autre. C'est avant tout des rencontres. Voilà, exactement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin dans Undertale. Hein. Mais c'est une histoire, évidemment, moi j'ai trouvé extrêmement touchante. Le scénar de base est finalement très classique, mais c'est dans les détails, hein, qu'on va trouver le diable et toute la qualité du jeu. Ouais. Alors du coup, pour essayer de faire un petit peu les deux fins extrêmes, on va dire, il y a la fin pacifiste dans laquelle on va vraiment ne tuer personne et on va aller, on va réunir tout le monde, tous les personnages qu'on va rencontrer, on va tous s'en faire des amis. Et à la fin, en fait, Flowey, donc qui est un peu le grand méchant, on va dire, du jeu, va arriver justement, va profiter que tout le monde soit réuni pour pouvoir essayer de prendre toutes les âmes des humains et des monstres et devenir surpuissant et tout détruire, puisqu'on va apprendre en fait que Flowey, c'est une espèce de réincarnation de l'enfant de Toriel, donc qui est la mère adoptive de l'enfant au tout début, ainsi que de Asgore, qui est le roi du comté, n'est-ce pas? Et en fait, cet enfant, il avait rencontré un humain qui était méchant avant, et bref, en gros, ça s'est mal passé, et du coup, maintenant, il est réincarné dans une entité un peu malveillante qui a envie de tout détruire. Et au final, on va quand même réussir à le battre grâce au pouvoir de l'amitié, n'est-ce pas? Littéralement. Presque littéralement, puisque le combat, c'est les autres cœurs qui nous aident à le combattre, et on va pouvoir donc sauver tout le monde. Et même, je crois, on peut même épargner, je crois qu'on peut continuer à épargner Flowey. De toute façon, c'est même le but de la fin, parce qu'en fait, il y a une fin pacifiste, entre guillemets, et il y a la fin true pacifiste, où tu dois, comme tu le dis, rajouter quelques heures de gameplay pour vraiment t'assurer que tout le monde est de ton côté. Et effectivement, le but, c'est à la fin, c'est de justement épargner Flowey, qui se réincarne, en tout cas, qui retrouve sa forme de monstre, une espèce de tout mignon d'Asriel, de bébé Toriel. C'est pour caractériser les habitants de l'Underworld, mais c'est pas des choses monstrueuses. Ce ne sont pas des monstres. Oui, c'est ça. Ce sont les humains. Oh là là, le twist. Incroyable, mais bon, de toute façon, c'est toujours la même histoire. C'est justement le principe, souvent, dans la plupart des fictions, quand on parle de monstres, le principe de l'histoire de Frankenstein, par exemple, c'est toujours cette idée-là, justement, de remettre l'humain face à sa propre monstruosité. Bref, là, le fait d'opposer les humains et les monstres, ça participe, en fait, à un grand jeu d'Undertale, qui est de s'amuser à tordre les codes du JRPG, notamment, et globalement, de tout ce à quoi on peut s'attendre dans un JV. Bah du coup, on va pouvoir commencer un petit peu à parler de ça parce qu'effectivement. T'as vu cette transition là ? Oui, oui, oui, j'ai bien vu. J'ai même pas eu le temps. J'étais là, j'essayais de la récupérer, mais non. C'est intéressant parce que c'est un jeu de loin, en fait. C'est vraiment un JRPG quasi ecclésiastique, quoi. C'est vraiment extrêmement très, très, très, très scolaire de loin. C'est-à-dire qu'il y a tous les éléments du JRPG vraiment à l'ancienne. Même l'interface de combat, bah, elle fait effectivement beaucoup penser au premier Mother. Donc, avec la petite interface où t'as le choix entre l'attaque, l'item, la fuite. Enfin, c'est des choses qui sont extrêmement classiques. Il y a les objets que tu vas équiper. Il y a les niveaux, les points d'expérience. Il y a les marchands. Il y a les boss. Il y a même aussi les petits points de sauvegarde, il y a les puzzles environnementaux qui sont vraiment un classique quand même du JRPG, dans les trucs tu dois pousser des pierres, tu dois appuyer sur des boutons, enfin c'est, voilà, c'est d'un classicisme absolu. Et en fait, tous ces codes-là, et ce, dès le début du jeu, Undertale, il s'amuse à les twister pour leur donner une saveur, on va dire, un petit peu différente et pour entrer dans un délire un petit peu réflexif, justement, autour de tous ces codes. Oui, c'est ça, en fait, ça reprend vraiment la forme visuelle. Moi, ça m'a évoqué, tu vois, Dragon Quest, parce que je ne sais pas les Mother, mais ça ressemble exactement au même délire, hein, parce qu'en plus, même l'écran, on ne voit pas son personnage, on voit juste l'ennemi. Et en fait, bah, la première fois qu'on joue, on va déclencher probablement des combats, mais très rapidement, en fait, on va découvrir qu'il y a un petit menu qui s'appelle acte, et à l'intérieur tu vas pouvoir donc check un ennemi, donc simplement on va dire l'observer pour voir un petit peu, ça va te donner des indices, et quand tu vas commencer à lire un petit peu régulièrement ça, tu vas te rendre compte que tu as la possibilité de faire des actions qui changent vraiment du tout au tout en fonction de l'ennemi face auquel tu vas te retrouver, et en fait tu vas pouvoir en fait en gros désamorcer la situation. Exactement. Je pense que c'est vraiment ça la grande force, tu vois, de notre ami Undertale. Hein. On va parler de l'épargnage dans pas longtemps avec Max, parce qu'on s'est pris la tête pendant toute la préparation de savoir s'il y avait un substantif pour le fait d'épargner quelqu'un. Mais voilà, le fait de désamorcer les situations, c'est vraiment ça en fait qu'on t'apprend dans Undertale. Mais ce qui est vraiment très fort, c'est que le jeu en fait ne te force pas à faire ça, parce que comme on l'a dit, le jeu il twiste les règles, mais tu peux quand même combattre ça. Il y a pas de problème. Sachant que les combats donc se matérialisent un petit peu de plusieurs façons en fait, puisque déjà cette partie un petit peu shmup, shoot them up, là où on contrôle le petit cœur dans un cadre, et en fait à chaque tour de l'ennemi on va subir des attaques entre guillemets qu'on va devoir esquiver, on va devoir se déplacer un petit peu dans ce petit cadre pour ne pas perdre des PV puisqu'il y a quand même une barre de vie. Et ensuite on a donc deux choix, et le premier choix ça va être de simplement taper, et là c'est un espèce de petit jeu de c'est un petit QTE, ouais, voilà, faut valider en rythme. Juste un truc. Exactement, pour taper bien au milieu et faire le plus de dégâts possible. Soit alors, on va passer dans ce menu acte et essayer de désamorcer la situation. Et là, ça devient un côté un peu dating sim, on va dire, où l'idée, c'est de trouver la bonne combinaison d'actions, la bonne combinaison de dialogues pour arriver jusqu'au moment où le nom du monstre va devenir jaune et on va pouvoir l'épargner. Et en fait, ça va faire comme si on l'a battu et on va pouvoir sortir du combat. Quoi. Et on parlait un peu des influences de Shin Megami Tensei. Et c'est là qu'il y a l'influence directe, parce que cette mécanique existait. Donc il me semble que c'est début des années 90 hein, aussi, la sortie C'est 92, premier... je crois, le premier, premier Megami Tensei. Et après, il y a eu Shin Megami Tensei. Et on pouvait aussi discuter avec des démons pour éventuellement les enrôler dans nos rangs ou les tuer. C'est soit tu pouvais avoir une information, soit ils allaient te donner des PV, soit tu peux les prendre effectivement avec toi. D'ailleurs, même dans le dernier Persona 5, il y a encore cette mécanique-là où tu peux faire une espèce de braquage et tu peux discuter un peu avec les ennemis, et ils peuvent éventuellement revenir dans tes rangs, même si c'est beaucoup plus basique que ce qu'on a dans Undertale. Oui, là, dans Undertale, c'est vraiment le cœur de l'expérience, et le jeu d'ailleurs se vend là-dessus, hein, se vend sur ce concept, c'est dans le trailer. Il me semble, j'ai pas vérifié, mais sur le Kickstarter de l'époque, je pense que c'était aussi, ça faisait partie de l'argument, ça doit être quelque chose comme le RPG où vous n'avez pas besoin de tuer qui que ce soit. Et dès le début, j'allais l'appeler tutoriel. Dès le début, Toriel, je sais plus si elle nous le demande ou si elle nous dit juste que c'est possible. Je pense qu'elle nous le demande, qu'elle nous dit, évite de tuer. En fait, c'est fait en vraiment plusieurs petites phases, parce que moi j'ai refait du coup toute la run pacifique là ces derniers jours. En gros, elle, ce qu'elle va te dire, c'est que quand tu vois un ennemi, en fait, tu stalls, donc c'est-à-dire que tu fais passer le temps. En fait, tu tues le temps histoire d'attendre, et au bout d'un moment, elle va venir te sauver. Et c'est vrai que c'est le cas. Hein, c'est possible qu'elle vienne te sauver. Et plus tard, en fait, quand elle te laisse toute seule parce qu'elle va préparer son gâteau, elle te laisse te balader un petit peu dans les ruines. Tu vas croiser une petite grenouille qui, elle, va te dire que les ennemis, en fait, ne sont pas forcément là pour se battre, mais que tu as la possibilité, si tu le veux, de les épargner. épargné. Et la petite grenouille te demande de le faire. Et sachant que le premier combat qu'on te demande de faire, c'est contre une marionnette. Demi, et ouais, on te demande de parler à la marionnette juste pour t'indiquer justement que la commande acte, elle existe. Et là où, évidemment, Undertale se révèle plus malin que tout un tas d'autres choses, c'est que cette partie-là, tu vois, pourrait être particulièrement chiante dans n'importe quel jeu. Sauf que là, comme c'est bien intégré au tuto, ça rentre aussi dans tout le côté un petit peu humoristique du truc. Donc le simple fait de parler, t'apprends que la possibilité existe, mais en plus ça te donne l'idée de mais pourquoi je parle à un bête mannequin, tu vois, ça ne sert à rien parce qu'évidemment le mannequin il te répond pas. Mais si il te répond, il fait I cannot talk, I'm a dummy idiot, tu vois. Et non, c'en est un autre plus tard. Ah, c'est un autre qui dit ouais, ça. Ouais, t'en as un autre, ah, le mad qui te répond plus tard. Ah mais, oui, c'est voilà, mad, oui. C'est, y a, mad, oui, le bad dummy. Ouais. Ce genre de petit truc où ça a une fonction purement vidéoludique de t'apprendre un truc, mais ça te permet également de découvrir un peu plus l'univers. Et si on les tue, donc si on tue nos opposants, on gagne des points d'expérience, ouais. De XP, et ce qui fait monter notre love, notre love. Et si on les épargne, on n'a rien, on n'a pas de, on n'a ni XP ni love. Et l'or, c'est dans quel sens, l'or, quand on les tue ou quand on les épargne? Non, l'or, tu les as quand même. Ouais, tu gagnes de l'argent quand tu gagnes les combats. Ok. Et petit twist, du coup, on apprend, pour continuer un peu sur le côté méta, on apprend que Exp, en fait, c'est execution point, et que Love, c'est level of violence. Et en fait, et ben on se rend compte que tuer des monstres, et ben en fait, c'est mal. C'est méchant. Mais de toute façon, c'était vraiment une intention dès le début, c'est que bah, du coup, Toby Fox était vraiment un fan de JRPG comme ça, mais il a toujours aussi eu cette curiosité, cette question, genre... Pourquoi je ne m'intéresse pas un peu aux monstres, d'où ils viennent, c'est quoi leur histoire et compagnie. Et vraiment, je pense que c'est ce qui a fait naître Undertale dès le début de sa création, quoi. Mais je trouve pas que ça soit une question qui soit si bête, parce que même moi je me la suis déjà posée. C'est vrai que ouais. Je pense qu'on se l'est tous posé à un moment donné, mais pourquoi, tu vois, je vais faire ce truc là en fait. Des fois on va croiser des ennemis et dans le jeu en fait ces méchants là ils t'ont rien fait, tu vois, genre il y a des trucs où je sais pas, ce gars-là, moi, il m'a rien fait, donc je vois pas pourquoi je devrais l'attaquer. Lui, en fait, il a pris ça au pied de la lettre et il en a fait tout un jeu vidéo. Et ça permet d'amener toute une réflexion intéressante sur l'idée même de combat, en fait. C'est ça, en fait, hein, la plus grosse, je pense, mécanique qui est twistée, c'est le fait que dans un jeu vidéo, on va être violent par défaut. C'est quelque chose qui est souvent remis en question ces dernières années, et je pense que Undertale est clairement le porte-étendard de ce discours-là dans le game design. Que l'idée qu'on résout des choses par la violence, mais sans même y réfléchir. Et en surtout, fait. C'est ce qui nous récompense. C'est oui, c'est-à-dire que vraiment, à la fin du JRPG classique, tu as ton niveau max, tu as plus de PV, tu as plus de compétences, ton expérience, c'est l'expérience de la violence finalement. Mmh. C'est le fait d'avoir tapé sur des trucs qui t'a rendu plus expérimenté. Et puis là, c'est pas juste un gimmick où t'appuies juste sur le bouton épargner et ça totalement. Épargne. Il faut, donc comme on l'a dit, il faut avant leur parler ou les observer. Il faut les comprendre, en fait, pour savoir quelle action il faut faire sur eux. Donc il y a vraiment cette notion d'empathie qui est mise jusque dans le gameplay. Et dans leurs attaques aussi, on peut comprendre un petit peu mieux leur personnalité ou ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent faire avec les différents formats des projectiles ou la façon dont ils vont essayer de nous atteindre. Un des premiers combats que tu vas faire, là, contre un des demi-boss, c'est Napstablook, là, le fantôme, tu sais, qui est allongé par terre parce que c'est fantôme qui est super déprimé, il est mort et il en a marre, mais bon, il est déjà mort donc il peut rien faire de plus. Et donc, en fait, quand tu vas discuter avec lui, tu vas essayer de lui raconter des blagues pour le faire marrer, en fait, parce que tu vois qu'il est triste, donc tu dis, je vais lui raconter une blague. Alors, on la voit pas la blague, mais on voit que ça marche, et au bout d'un moment, tu sais, d'habitude, il te pleure dessus, c'est les petites larmes qui te font. Et là, d'un coup, il se met, je vais essayer un truc, et il se met à pleurer, et les gouttes, elles tombent vers le haut de l'écran, tu vois. Ça lui forme un chapeau. Il a le petit chapeau, ouais, et tout, enfin, c'est. Voilà, et tu te dis, mais c'est quoi ce jeu, quoi? Et je pense que ça fait partie de tous ces petits moments où, au début, ton cerveau, en fait, il se retrouve à devoir accepter un truc complètement différent de ce qu'il a l'habitude de voir. D'habitude, tu te dis, je vais taper, je vais faire, etc. Je vais gagner mon expérience comme d'habitude, en fait. Mais là, il y a tous ces petits moments qui essayent de te remettre en question. Et pour moi, le moment qui est le plus marquant de ça, c'est quand tu dois combattre justement Toriel en sortant des ruines. On en a parlé. Alors nous, la team Rocket avec Hugo, on a tué Toriel la première fois. Moi, la première fois que j'avais fait le jeu, j'avais tué Toriel parce que je me suis dit, en fait, je peux pas l'épargner. Ouais, tu vois, je me suis dit qu'au bout de 5-6 fois où j'essayais de l'épargner, elle me disait trois petits points, je me dis en fait le jeu essaye de me dire que là malheureusement il n'y a pas le choix, il faut être violent. Et en réalité, quand j'ai recommencé le jeu plus tard, il y avait évidemment tout ce qui s'était passé autour du jeu, donc je savais que maintenant il y avait une vraie run pacifique qui était possible, et je me suis dit je vais essayer de comprendre comment on peut y arriver. Et cette idée-là d'insister, c'est là, je pense, un des grands coups de génie de ce jeu-là, c'est que, comme tu le dis, c'est pas un gimmick. T'appuies pas sur épargner ou fuir et ça y est, c'est gagné. Non, il faut comprendre, il faut réussir à le faire. Il y a tout un tas de personnages, tant qu'ils ont pas fini leur dialogue pendant le combat contre Ondine, il faut qu'elle t'explique toute son histoire avant que tu puisses t'enfuir et essayer d'arrêter le combat naturellement. Exactement, et puis tu dois quand même subir toutes les attaques, et en plus, le jeu, du coup, en run pacifiste, n'est pas forcément facile, parce que tu gagnes pas, tu n'as pas plus de vie, et t'as des attaques qui font mal. Là, moi, j'ai recommencé un petit peu le jeu, et il y a un moment où il y a deux clébards, deux chiens qui t'attaquent, et tu sais, donc pour résoudre le combat, faut te rouler par terre pour que t'aies une odeur un peu comme... Ah tiens, c'est bon, il sent comme un chien, et après que tu les renifles à ton tour, enfin bref, il y a tout un petit puzzle à faire, et en fait, moi, comme ça fait très longtemps que je n'avais pas fait le jeu, je me souvenais plus de la démarche à adopter pour résoudre le combat de manière pacifiste, et du coup, j'ai quand même dû prendre des attaques dans la tronche, et je suis mort une ou deux fois, tu vois, parce que faut quand même tenir, c'est-à-dire que chaque pattern, malgré tout, il y a une petite solution, une fois que tu l'as compris, ça passe facilement, mais faut quand même subir toutes les attaques, et dans les grands combats de boss, même si tu es pacifiste, eh ben, tu vas quand même devoir te prendre dans la tronche de nombreuses attaques et tenir malgré tout et rester déterminé, n'est-ce pas? Ça monte, oui. Vous disiez que traditionnellement dans les RPG il faut accumuler de l'XP. Un des piliers du RPG, oui, c'est ça, c'est devenir plus fort, et ça passe dans les mécaniques avec l'XP, avec des armes plus fortes. Enfin, c'est juste des stats en fait. Ouais. C'est juste qu'objectivement, on fait plus de dégâts qu'avant, on devient un héros badass et on finit par sauver le monde ou abattre le dragon, le maxi boss. Et là, en fait, pas du tout. Il y a aussi de la force en fait dans l'écoute de l'autre, dans la volonté de comprendre, et c'est aussi une dépense d'énergie, c'est aussi une force qui est tout autant légitime en fait pour terminer. Oui, d'ailleurs, au même titre qu'une boucle dans laquelle tu vas t'améliorer, là tu t'améliores aussi dans la boucle de l'empathie, parce que tu vas comprendre comment ça fonctionne, les puzzles, essayer de bien check le personnage en face de toi pour essayer de déceler un petit peu sa personnalité, te dire lui il est un peu déprimé, je vais peut-être lui raconter une blague, ou à l'inverse les chiens, tu te dis je peux peut-être me rouler par terre. Donc tu vas te mettre en fait dans un état d'esprit qui est complètement différent que si tu jouais à un JRPG traditionnel. Tu rentres dans ce côté un peu dating sim, mais c'est aussi quelque chose qui va se complexifier et progresser. Et il y a des boss où il faut suivre plein d'étapes particulières. Il y a tout un arbre en fait de possibles, et il faut que tu trouves le bon chemin pour pouvoir désamorcer la situation. Et c'est là où c'est intéressant, parce que la mécanique de gameplay, elle évolue. Et en fait, le fait qu'à chaque fois que tu rencontres un nouvel ennemi ou un nouveau personnage ou un nouveau boss, comme les attaques qu'il va réaliser sont différentes. Alors, il y a tout un tas de mécaniques. Tu vas apprendre au bout d'un moment que les boulettes vertes, elles te rendent de la vie, que les boulettes oranges, il faut pas bouger. Les boulettes bleues, il faut pas bouger quand elles t'arrivent dessus. Les boulettes oranges, il faut être absolument en train de se déplacer. Donc, il y a en fait des vraies mécaniques de gameplay dans la partie pacifique qui vont se développer. Et pour moi, ce que j'ai trouvé de cool, c'est que le fait qu'à chaque fois, le dispositif de combat il soit modifié, ça te force à te dire je dois aussi réfléchir d'une autre manière, parce que quand tu reconnais en fait au bout d'un moment, ce que j'aimais bien, c'est que j'associais une attaque à une solution. Et au bout d'un moment, je voyais alors là c'est les mecs qui doivent flex, tu sais, et je leur dire de flex encore plus, l'espèce de cheval là, c'est trop drôle, et ils se flexent en dehors du combat, c'est complètement ridicule, mais ça marche à fond. Et quand tu vois les attaques avec les petits bras où tu faut les esquiver, j'ai trouvé ça génial, parce que je me suis dit c'est complètement fou, parce que il y a pas deux ennemis qui attaquent de la même manière. T'as tout le combat contre Papyrus où il va faire des attaques avec ses os, où c'est un vrai truc de plateforme. Ondine, elle te place dans un système de un petit peu de Dance Dance Revolution, où il faut que tu sois dans la bonne direction au bon moment quand les flèches qui t'arrivent dessus, et c'est super dur. Enfin vraiment, moi je suis mort pas mal de fois, je sais plus, il y a des moments, il y a un combat contre Metaton aussi où je suis mort, enfin bref, il y a pas mal de moments dans cette run là où je me suis dit putain, en fait c'était compliqué quoi. Et puis t'as ce moment très touchant aussi contre Toriel, où si on passe en dessous d'un certain seuil de points de vie, si on commence à être faible et sur le point de mourir, en fait ces attaques nous évitent. On ressent par les mécaniques qu'elle ne veut pas nous tuer, en fait elle veut nous épargner. Moi je crois que c'est ce qui m'avait vraiment le plus soufflé à l'époque quand j'avais fait, c'est justement cette matérialisation de la... cette espèce de narration en fait qui naît des schémas d'attaque. Et je m'en souviens vraiment quand tu bats Ondine, et dans ma première run j'avais décidé de la tuer pour la combattre, tu vois, et à la fin en fait ses coups ne te font quasiment plus mal et ils sont beaucoup plus lents, c'est-à-dire que le pattern d'attaque à la fin d'un boss, devient beaucoup plus faible que ses patterns d'avant. Et ça permet de retranscrire, en fait, toute sa fatigue, le fait qu'elle soit épuisée, qu'elle en peut plus, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça extrêmement fort, parce que c'est avec des règles de shmup, arriver à faire ressentir des choses, faut quand même avoir une certaine maîtrise, en fait, des codes pour arriver à en faire quelque chose comme ça, et ça m'a vraiment soufflé. T'as les règles des shmup, et t'as aussi le côté visuel, parce que même les personnages, ouais, s'ils sont en noir et blanc et que c'est très simple, enfin, tu vois, le moment que tu décris avec Toriel, en fait, d'un coup, elle a les yeux, tu sais, pendant très longtemps, genre elle te fait les gros yeux, attention, t'es en train de faire une connerie, je vais pas te laisser partir. Et à partir du moment où t'as plus de vie, en fait, elle baisse le regard et elle regarde sur le côté, elle a le regard fuyant. Et c'est juste des pixels. Mais moi, ça m'avait vraiment. Tu vois, ça se fait fondre parce que t'es là, elle était gentille avec moi, elle m'avait préparé un gâteau avec de la cannelle. En fait, elle m'a rien fait. Mais moi, je veux sortir, mais elle m'empêche de sortir, j'ai pas le choix, il faut que je la tape. Et c'est vraiment cette run neutre, elle est, je trouve, obligatoire, elle est intéressante parce que c'est une fois que tu l'as terminée que tu peux commencer à te dire, mais en fait, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et évidemment, là, tu commences à te rendre compte à quel point le jeu te met face à la notion de conséquence par rapport à tes actes, qui est un truc qui était, je trouve, auparavant totalement absent du jeu vidéo et qui est peut-être la plus grande touche, ou en tout cas le plus grand apport de Toby Fox au jeu vidéo de manière générale, cette idée de conséquence. Ouais, parce qu'au-delà des combats simples, entre guillemets, qui sont les rencontres aléatoires contre des monstres qu'on verra peut-être que une ou deux fois, il y a vraiment des personnages qui sont mis en place, donc que ce soit Toriel ou Papyrus ou Undine, etc. Et eux, ils sont écrits, on va avoir beaucoup de dialogues avec eux, ils ont une vraie existence, et ce regret, en fait, cette notion de regret, cette mécanique d'épargnage, elle prend tout son sens parce que, justement, ces personnages, ils sont écrits, on a envie de les épargner. Et si on les a, ou alors si on les a tués et qu'on se rend compte qu'en fait on pouvait les laisser vivre, bah c'est là qu'il y a le regret, parce qu'effectivement on veut savoir ce qui se serait passé si on les avait épargnés, parce qu'il y a tout ce travail d'écriture qui est derrière. Et le jeu est malin à ce niveau-là, c'est parce que quand tu tues quelqu'un, alors moi j'ai jamais fait la run génocide, hein, j'arrive pas à me motiver à le faire, donc j'ai regardé des trucs sur YouTube. Juste pour rappeler les conditions de la run génocide, ouais. En gros, il faut méthodiquement buter tout le monde, c'est-à-dire tous les personnages, mais aussi les monstres qu'on rencontre aléatoirement. Il faut forcer un peu, entre guillemets, les rencontres, et il faut les tuer, tu vois, à oui, chaque fois. Voilà, dans chaque zone, tu as un nombre limité de monstres, et en fait, au bout d'un moment, il faut que tu atteignes un écran où tu rencontres un combat, mais personne n'est venu, parce que tu as buté justement tout le monde. Il faut littéralement buter tout le monde. Ouais. Donc en plus, c'est une double couche, c'est-à-dire que c'est pas juste tu attaques les ennemis et tu es dans une autre mécanique de jeu, c'est tu dois, comme en fait dans la partie pacifique, forcer les choses, hein, tu vois, tu dois vraiment faire des efforts pour arriver à ton résultat. Et donc, pour parler de cette histoire de run génocide, comme l'a dit Max, en fait, c'est que quand tu gagnes un combat, on n'a pas des systèmes juste de récompense, parce que justement, dans un JRPG classique, tout est positif. Quand tu tues quelqu'un, le résultat n'est que positif. Que là, ben, tu vas avoir le droit à un dialogue d'adieu, tu vas avoir le droit, effectivement, tu gagnes de l'expérience, etc. Mais tu vas avoir tout de suite les conséquences de tes actes qui vont être perceptibles, parce que les autres gens, enfin les autres habitants du monde, vont réagir à tes actes, et ben, évidemment, vont réagir différemment. Et ça, c'est vraiment peut-être la grosse différence, parce que du coup, le jeu, par son écriture, par ses mécaniques de gameplay, introduit un truc qui était vraiment, à mon sens, totalement absent des jeux vidéo jusqu'à présent, qui est cette fameuse liberté qu'on nous promet depuis la nuit des temps. Là, tu l'as, ta liberté. Le problème, c'est qu'il faut que tu vives avec. Et ça, je trouve que là-dessus, le propos d'Undertale est évidemment brillant. Et je le trouve d'autant plus fort, surtout qu'il n'est pas... c'est pas simplement un petit twist, c'est-à-dire que c'est pas simplement... Moi, je pense surtout à Dishonored, tu sais, dans l'idée genre, je peux tuer tout le monde ou je peux tuer personne. Finalement, soit je plante un couteau dans la carotide, soit je l'étouffe. Mais c'est-à-dire qu'en termes de mécanique, c'est extrêmement proche. Il va pas avoir tout ce biais de compte, tout ce délire de conséquence. Tu vas ne le retrouver que dans la cinématique de fin, et encore ces 28 secondes qui sont interchangeables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont interchangeables. Alors que là, dans Undertale, c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que si tu sauves tout le monde, tu vas voir des choses qui sont vraiment différentes. Et ça va pas simplement être les deux faces d'un même miroir où tu vois qu'il y a eu un swap de, tu sais, typique dans les Walking Dead ou dans les trucs comme ça, où ils interchangent simplement un personnage, où c'est juste le skin qui change, mais il se passe la même chose. Là, dans Undertale, les choses sont vraiment très différentes. Et t'as le fameux truc de la fin de Mass Effect 3, tu sais, qui avait fait scandale à la sortie, où en gros, en fonction de tes choix, t'avais une fin avec un rayon bleu, une fin avec un rayon rouge et une fin avec un rayon vert. Et c'était vraiment la même fin, la même cinématique, et ils ont refait du coup une fin, parce que ça avait vraiment fait un gros scandale à l'époque, parce que justement, c'était un jeu qui s'était vendu sur cette notion de choix et de conséquences. parce que les conséquences, c'est un truc qu'on nous vend depuis très longtemps. Et à titre personnel, je pense vraiment qu'en fait, on ne savait pas ce que c'était réellement jusqu'à ce qu'on ait Undertale pour qu'on voit enfin jusqu'où ça peut aller. Alors, il y a d'autres jeux, hein, évidemment, il y a des jeux qui ont des vraies conséquences qui sont quantifiables et mesurables. Non, mais je faisais des petits signes comme ça parce que, en fait, moi, je me dis toujours, j'ai l'impression que c'est possible pour Undertale parce que pour des gros jeux, en fait. Ça demande tellement de travail de modélisation, d'animation, de faire une cinématique, que ça a un coût, en fait, complètement fou de faire des choix. Enfin, tu vois, quand je pense à Détroit, c'est une espèce de masse énorme de travail, tu vois. Et je pense qu'Undertale a pu se permettre ça, justement, parce que, déjà, Toby Fox, il avait tout le contrôle sur sa création, donc il faisait absolument ce qu'il voulait, et que s'il avait envie de bidouiller un truc, s'il avait une petite idée, bah, il pouvait l'implémenter très, très rapidement dans son jeu, tu vois. Là, il y a un truc que je te répondrais, c'est que et je vais citer Max d'une des interviews là qu'il avait lu, c'était le fait que Toby Fox, en fait, il avait pensé à ça dès le départ. Et ouais. Je pense que c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens ils se disent bon, on va faire un Dragon Age, on va faire un Elder Scroll ou un Fallout ou un truc comme ça, en fait, ils se disent je veux des conséquences, mais ils ont peut-être pas réfléchi jusqu'où ça voulait dire, tu vois, jusqu'où ils veulent qu'il y ait réellement des conséquences. En fait, effectivement, pour des raisons de coût, d'ambition, de scope, de patron, moi, je pense que justement, ça les dépasse. C'est pas gérable. C'est en ça, fait, ouais. Tu peux pas. Ils se rendent compte que c'est trop compliqué. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être pas le promettre, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à dire. Tes conséquences elles sont aussi factices, je te regarde Skyrim, dans ce cas-là il faut le dire, en fait il faut juste nous dire bah oui c'est pas vrai, en fait tu vois, c'est des faux choix, bien souvent c'est des faux choix, t'as pas mal de trucs où bon les conséquences vont pas être, et effectivement on le voit, l'approche de Détroit elle est particulière parce que là ils ont commencé à du coup multiplier les sommes nécessaires parce qu'ils voulaient absolument qu'il y ait ouais, des conséquences ça, pour exactement. Tout et bon on l'a déjà dit dans l'épisode, ça marchait pas non plus tout le ça temps part en fait. Trop dans tous les sens, enfin pour moi c'est encore une fois c'est un travail de titan, alors que Undertale comme malgré tout, je trouve que c'est un jeu qui est très dense hein, pourtant, mais malgré tout il arrive à avoir toute sa cohésion, encore une fois c'est tout le temps dans la tête d'une même personne, donc c'est pas une équipe de je sais pas 50-80 personnes qui ont bossé dessus, donc t'as pas le même contrôle et forcément moi je le ressens beaucoup dans l'écriture d'Undertale. Je pense que c'est un jeu où il y a beaucoup de spontanéité et je pense que Toby Fox quand il avait une idée il se disait bah ok bim je le mets et ça marche comme ça, et c'est pour ça que je pense qu'il peut rajouter toute cette nouvelle couche même d'écriture dont on parlait pendant la préparation, l'idée que bah, si tu sauvegardes à un moment où tu sais que le jeu se souvient de tes sauvegardes, c'est plein de petites choses en fait, il a pu ajouter en fait des couches narratives, des couches d'écriture supplémentaires parce qu'il était tout seul et qu'il était aux commandes quoi. Ouais, effectivement en termes de production ça je suis d'accord avec toi, c'est très terre à terre comme approche, mais je comprends parfaitement l'idée de dire oui c'est vrai que ça coûte moins cher de juste faire apparaître du texte avec la typo papyrus quand c'est papyrus qui parle et puis voilà t'es content ouais. Quoi, c'est sûr que juste rajouter quelques textes par ci par là ça coûte moins cher entre guillemets, par contre en termes de travail d'écriture ouais, bien sûr. Non, mais, voilà, c'est incroyable, faut vraiment pas mettre vraiment on en a déjà commencé à en parler, le travail d'écriture il est fou, et cette idée que en fonction de ce qu'on fait mais de ce qu'on a fait auparavant les choses vont changer, moi j'ai trouvé ça bluffant parce que dans pas mal de jeux bon tu fais un truc et peut-être 10 ou 15 heures plus tard tu vas avoir une conséquence, là c'est en permanence le moindre truc que tu fais le jeu va s'en souvenir et le jeu en fait va réagir en fonction de ça. Moi j'ai eu l'exemple il y a quelques jours où en fait j'avais relancé le jeu mais c'était vraiment genre j'ai le chat qui est en train de se balader, tout va bien, j'ai relancé le jeu, j'avais Flowey, j'étais en train de lui parler et en fait je devais partir faire d'autres trucs genre faire la cuisine ou quoi que ce soit, donc j'ai quitté le jeu en me disant bon c'est bon je relance et j'ai envie de le refaire, et en fait quand je suis revenu Flowey m'attendait, il disait mais t'es parti faire quoi tu vois, genre parce que j'avais quitté en plein milieu de son dialogue, je lui avais coupé la parole et il m'insultait à moitié en me disant mais qu'est-ce que t'es parti faire, et j'étais là mais donc combien de gens vont se retrouver dans mon cas particulier et voir ce truc là, et du coup bah, quand j'avais fait le jeu à l'époque pour le test je me suis rendu compte de pas mal de choses et je me suis amusé par la suite à reprendre à certains moments et etc, et te rendre compte de la quantité de possibilités auxquelles ils ont pensé, c'est assez incroyable. Il a pensé du coup. Il y a des personnages qui réagissent différemment en fonction de la run qu'on a faite avant. Il y a par exemple Toriel, alors je sais plus s'il a fallu faire une run particulière, mais si on refait en tout cas une partie, elle peut nous dire j'ai l'impression qu'on s'est déjà croisé. Bon, ça c'est assez léger, mais par exemple, t'as alors ça nous sens, on va dire sens. Si on a fait une run génocide et qu'on refait le jeu et qu'on le croise, il dit un truc du style ah ouais, si tu reviens, c'est qu'on a jamais vraiment été amis, tu vois. Enfin, non, il me semble que si t'as fait une run normale, que t'as été ami avec lui, et qu'ensuite tu es en train de faire une run génocide, là il te dit ça a plus de sens, il te dit ouais, si tu reviens, donc sous-entendant en butant tout le monde, c'est qu'on a jamais vraiment été amis. En fait, il te met un petit peu face à ta personnalité. Jeu, il retient des conditions, il se dit ok, si joueur a fait ça, hop, et bien j'implémente telle ligne de dialogue. Et là où c'est malin, c'est qu'encore une fois, c'est toujours en cohérence, non pas avec ce que le joueur attend, mais avec ce que les personnages y ressentent. Puisque du coup, la particularité des personnages d'Undertale, c'est qu'ils ont leur propre personnalité et ils réagissent toujours de manière manière cohérente avec eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable, je trouve, de discuter avec ces personnages-là, parce que même si on les apprécie pas ou qu'on n'a pas forcément d'atomes crochus, bah, au moins on a l'impression, entre grosses guillemets, de discuter avec quelqu'un qui n'est pas juste là pour te dire « Bonjour, la princesse est dans un autre château, voici une épée, va la sauver. » Parce que la plupart des PNJ dans les jeux vidéo, ils sont simplement là pour te donner l'impression d'exister dans ce monde-là. Ils ont une fonction, voilà, ouais, pour voilà, te donner ont, exactement, un rôle, effectivement. Ouais. Exactement, ils ont une fonction. C'est vraiment le terme, ils sont là, ils ont un côté fonctionnel, hein, c'est vraiment des outils, tu vois, des, sur ton chemin, etc. Que eux, bah, c'est des personnages, ils font leur vie. Sens, avant que tu sois là, il était en train de discuter avec une nana à travers la porte, il t'apprend qu'il essayait de préparer des blagues, il essaye de réconforter son frangin en lui donnant un peu confiance en lui. Enfin, tu vois, Papyrus, il prend des leçons de cuisine avec Ondine. Enfin, ils ont tous une vie avant que tu sois là, et a priori, ils devraient en avoir une si tu les as pas tués, une fois que tu seras parti. Donc ça, c'est quelque chose de très très différent dans l'approche, en fait, de l'auteur, Toby Fox, là-dessus. Et ça donne certains moments qui sont assez touchants. Par exemple, Papyrus, donc lui, il est assez fan de toi, en général. Il me semble, dès que vous vous rencontrez, tu vois, il t'aime bien, en fait, dès le départ. Et si tu fais une run génocide, donc à votre première rencontre, donc tu vas décider de le buter, et lui, ce qu'il fait, on en revient un petit peu aux mécaniques qui ont un sens. Quand il est censé t'attaquer, quand c'est son tour de t'attaquer, il t'épargne, en fait, ouais, c'est Papyrus, t'épargne. Toi, tu fais ton attaque, tu le one-shot direct, tu vois, et il te souhaite genre bon courage, ou il te souhaite de devenir meilleur, un truc comme ça, et il meurt, tu vois. Et c'est assez violent, tu vois, c'est vraiment une scène de carnage, quoi. Ouais, surtout qu'il a fait tout un dialogue juste avant en disant que, bah, il sait que, voilà, t'es en train de... En fait, il te le dit, t'es en train de prendre de filer un mauvais coton, mais je vais t'aider, moi je suis là, je suis encore là pour toi, j'ai toujours foi en toi, tu peux changer. Et là, tu vois, je trouve que c'est des moments qui te remettent en cause en tant que joueur, parce que toi, tu dois garder ta détermination toujours pour faire ta de génocide, et il faut quand même avoir, enfin tu vois, je pense qu'il faut quand même avoir les nerfs bien placés pour que tu puisses te résister à ce genre de truc là, parce que moi personnellement ça me fait fondre à chaque fois que ces personnages ils ont des petites réflexions aussi humaines, je trouve ça génial en fait. Oui, d'ailleurs on en discutait pendant la préparation, mais on se disait que bah, les fans qui sont allés, qui ont fait la pacifiste, qui ont fait la génocide, qui sont vraiment allés au bout de ça, ils ont dû justement quand même prendre sur eux, j'imagine, pour aller faire leur truc. Et d'ailleurs, si tu fais une run génocide et après que tu reviens, c'est que tu fais une pacifiste, on appelle ça une run hypocrite, parce que t'as déjà tué tout le monde, et à la fin, en fait, dans le moment où t'es dans la chambre avec Toriel, la nuit va tomber et tu vas réouvrir les yeux et t'entendras le rire caractéristique de Flowey, le comme ça, parce que on sait, le jeu se souvient que t'as fait un truc génocide. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Moi non plus, j'ai vraiment pas envie de la faire, la génocide, parce que même si bah, j'ai tué certains personnages, parce que sur le coup, en fait, je me sentais agressé et j'ai répondu, tu vois, ça c'est ma culture hip-hop, hein, c'est œil pour œil, dent pour dent, vous le savez. Mais, ah, c'est merveilleux. Mais vraiment, il y a eu des personnages, effectivement, j'ai vraiment regretté de les tuer, et je là, en relançant le jeu, c'est clair que j'aurais envie de tuer personne. Oui, c'est un jeu qui te met vraiment le nez dedans. Hein, ouais, ouais, totalement. Ouais. Parce que aussi, bah, l'autre petit truc qui fait la run hypocrite, c'est qu'à la fin, quand tu fais une run pacifiste, il y a une photo de toi, enfin du personnage, avec tous les personnes que t'as sauvées, avec lesquelles t'es devenu ami. Et en fait, dans la run hypocrite, tu as cette même photo, mais ils ont tous une croix rouge sur le visage, ouais, ouais, ouais. Et le perso, il sourit au milieu. Et c'est vraiment le jeu, en fait, il ne t'accorde pas, en fait, la rédemption. Tu vois, tu ne l'as pas. Le jeu, il dit, non, mais on sait ce que t'as fait, en fait, avant. T'es un monstre, mais tu vas pas te racheter comme ça. Oui, un truc que j'ai bien aimé, c'est en regardant un petit peu la run pacifiste, c'est toute la partie où tu vas apprendre un petit peu toute la backstory avec Alphys, dans tout le laboratoire où, en fait, elle a dû créer des monstres pour essayer de contenir les âmes humaines et en fait l'âme humaine, en fait les monstres ne sont pas assez forts pour la garder, et du coup ils mutent complètement, et il y a toute cette partie assez sombre quand même dans le jeu, il y a toute cette couche là. Moi je l'ai fait que via YouTube, toi tu as dû la voir pendant ta run pacifiste. Oui, du coup bah, je l'ai en fait, moi j'ai fait la run pacifiste facile, c'est à dire qu'en gros ouais. J'ai fait une première fin neutre entre guillemets, où même quand tu tues personne, en fait quand tu te retrouves face à Asgore, tu peux le tuer, ouais. Là il y a une fin, tu as le combat contre Flowey, etc., et tu peux recharger ta partie juste, et la partie est juste avant le combat d'Asgore, et dans ce cas-là tu peux faire du backtrack pour essayer de faire les moments d'amitié avec tous les personnages, ouais, que t'as pas encore fait. Et effectivement celui d'Alphys c'est assez long, t'as un rendez-vous où tu te retrouves à être invité chez Ondine, qui est particulièrement drôle parce que du coup elle te reconnaît, et en fait elle est censée recevoir Papyrus pour sa leçon de cuisine, ouais, d'apprendre à faire des spaghettis bolognaises, et en fait lui il lui met un challenge en disant ah mais je pensais que t'étais assez forte pour devenir son amie, et du coup elle va devenir, tu sais, avec son ton caractéristique, elle va essayer de devenir ton amie par tous les moyens, et je sais, genre elle détruit la table, elle fait brûler la maison, et à la fin bon bah voilà, on est copines et tout, c'est super cool. Enfin, c'est, et tous ces passages là où tu te fais du backtracking, ça te rajoute pas mal d'heures de jeu. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est incroyable à tous les trucs auxquels il a pensé. Et ça, en fait, c'est toujours des choses, moi, qui me laissent admiratif de voir jusqu'où le ou les développeurs, tu vois, ils ont pensé à se dire, bon, les joueurs, ils vont faire ça. À ce moment-là, il va arriver ça. Et du coup, ça va débloquer tel truc, etc. Et à chaque fois, en fait, bah, quand tu continues de fouiller un petit peu, t'es souvent récompensé quand même dans le jeu. Parce qu'il y a toujours des petits trucs, tu vois, des petits détails de rien du tout. Au début, tu croises dans la neige, quand t'arrives à Snowdin, tu vas croiser un petit bonhomme de neige. Ouais, ouais. Et tu peux ramasser une petite partie de lui et il te demande de t'amener très loin. Pour faire voir le monde. Tu vois, et en gros, il faut que tu la gardes dans ton inventaire tout au long du jeu, jusqu'à la fin pacifique. Et à ce moment-là, t'as un petit message de sens qui te dit, ah bah c'est cool, je sais que t'as rendu un petit bonhomme de neige très sympa. Et tu vois, c'est un tout petit truc, mais toi, t'avais oublié ça depuis, depuis peut-être 10 heures, parce que bon, le jeu, il est pas non plus si long que ça, mais t'avais complètement zappé, mais le jeu, lui, évidemment, il n'oublie pas, quoi. De toute façon, il y a une densité, en fait, avec tous les personnages de détails, et tous sont interconnectés comme ça, donc forcément, il y a une espèce de... C'est un jeu qui a une espèce de surabondance de tous ces petits trucs-là, et moi, je trouve aussi, en plus, qu'il se permet des choses, tu vois, le fait qu'il ait choisi cette espèce d'esthétique très très simpliste, ça lui permet de faire des trucs un peu de fifou, parce que quand même le combat contre Flowey à la fin, où des espèces de trucs photoshopés dégueulasses, je trouve ça très fort, parce que finalement le jeu t'a habitué à son esthétique là, tu combats des monstres mais ce sont des sprites en pixels, et là quand tu te retrouves face à Flowey qui est vraiment, c'est une abomination, mais c'est une abomination graphique, tu vois, c'est-à-dire que c'est moche, c'est littéralement moche, enfin c'est des morceaux de photos qui ont été rognés et tout, c'est vraiment dégueulasse, et du coup je trouve ça crée un moment de jeu assez assez étouffant, tu te sens vraiment face à quelque chose d'abominable, pardon, et j'ai trouvé ça très très fort en fait, et surtout bon bah c'est tout un passage où en plus tu le subis parce que le combat est très très long. Faut vraiment rester déterminé, ça part en cacahuète parce que ça joue sur la sauvegarde, Flowey il recharge la partie sur des boucles, je crois qu'il faut même quitter le jeu pour en fait revenir, il te fait quitter le jeu, il crache le jeu et il faut que tu le relances, voilà, et en fait le jeu sait où t'en étais, il s'est arrêté à un statut. Je sais pas du tout comment ça marche sur console, si vous l'avez fait sur console, je parle aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, si vous l'avez fait, dites-le nous sur le Discord, parce que moi je suis très curieux de savoir à quoi ça ressemble par exemple sur Switch ou sur PlayStation, mais sur PC je sais que ça m'avait bluffé parce qu'en plus le jeu se moque de toi entre guillemets, parce que sur PC si tu le désinstalles, comme il va modifier des clés de registre et des trucs comme ça, il se souvient que tu l'as désinstallé, et il y a des dialogues qui anticipent le fait que tu aies fait ça, et que du coup en fait ils te font remarquer, fais gaffe, je sais que t'as essayé de désinstaller le jeu mais ça marche pas comme ça. Donc ça c'est vraiment le il va jusqu'au bout, quoi, il s'amuse justement avec ce côté un petit peu méta où le côté tu vois quatrième mur, Flowey va te parler à toi joueur ou à toi le personnage, et là quand il te fait quitter le jeu, enfin moi ça m'avait laissé quand même comme de rond de flanc, quoi. Ouais, moi je me souviens que j'étais vraiment déstabilisé quand même, tu vois, parce que je relançais le jeu, en plus c'est dur, donc t'en prends plein la gueule pour pas un rond, tu sais pas comment tu vas pouvoir t'en sortir, et ouais je trouve que c'était un moment de jeu assez perturbant, tu vois, j'étais vraiment entre la frustration et la fascination, parce que bon moi quand le jeu il me résiste comme ça, mais tu sais qu'il résiste à un niveau bureautique quoi, il te renvoie sur Windows, ça commence à être énervant, et du coup j'ai trouvé que c'était très fort parce qu'il y a cette espèce de monstruosité informatique qui te dépasse, quelque chose qui est plus fort que toi, mais qui est plus fort que ta machine même, et c'est quand même assez fort, quoi. Et puis de mémoire, je sais plus exactement, mais même la musique, elle est dégueulasse contre Flowey. Je crois que la musique, elle a des sonorités qui sont possible, pas ce que t'as l'habitude d'entendre. Complètement dissonant, c'est des sons très stridents, très aigus, tu vois, c'est des trucs de métal, enfin pas de métal, de matière, tu vois, où c'est des grincements de matière l'une contre l'autre, etc. Enfin, c'est vraiment très dégueulasse, et cette espèce de plante, enfin, c'est roman photo raté le jeu, quoi, c'est vraiment horrible ce système. Et en plus, ce combat, ce qui est rigolo, c'est comme tu dis, moi je l'ai vécu comme étant ultra long, et en fait, en le refaisant, bon, ça dure peut-être 7-8 minutes, c'est pas si long que ça, mais tu le vis de l'intérieur comme étant une quasi-éternité, quoi. Oui, et puis c'est exténuant parce que tu dois quand même être beaucoup répondre. Donc vraiment, le jeu teste vraiment ta détermination à ce moment-là. Et à chaque fois que tu meurs, d'ailleurs, quand t'as l'écran de Game Over, le jeu il te le dit, n'abandonne pas, sois fort, reste là. Tu vois, c'est un truc qu'on disait un petit peu à l'époque de Céleste et qui, je pense d'ailleurs, forcément a été influencé par Undertale. C'est l'idée que le jeu, il t'envoie des petits messages très simples, très gentil en fait, un très bienveillant de allez, résiste, tu peux le faire, il faut que tu t'accroches. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'est là où tu te dis, en fait, quand tu meurs dans ce jeu, il te donne envie de continuer, de t'accrocher et de te dire, allez, je peux le faire, cette fois-ci, je vais y arriver. Et le jeu devient pas plus facile pour autant, mais comme toi, t'apprends petit à petit à réagir au pattern, etc., au bout d'un moment, effectivement, t'y arrives. Oui, c'est ça la détermination au final, parce que si c'était devenu plus facile, peut-être que ça aurait pas eu vraiment la même saveur de se dire, j'ai réussi. Oui, oui, totalement. D'ailleurs, le jeu, je pense qu'en neutre, peut être assez facile, entre guillemets, parce que tu peux quand même gagner de la vie, tu peux quand même gagner de l'XP, parce que si tu alternes en tuant certains personnages, tu vas pouvoir quand même te faciliter la vie. Alors que bah, en génocide, c'est très très difficile, parce que tu vas te retrouver face à des combats assez vénères, dont le fameux combat contre Sans, qui est une espèce de chorégraphie limite, je pense qu'il faut le connaître par cœur pour y arriver parce que c'est vraiment très très énervé, j'avais vu sur YouTube. Et par contre en pacifiste ça va être aussi très difficile parce que bah, t'as toujours que 20 PV et du coup il y a des combats qui vont être longs et il faudra quand même les tenir jusqu'au bout. Tu peux équiper des armures. Tu peux, oui, ouais, tu trouves tu peux un quand même tutu, équiper, tu vas trouver un t-shirt, tu peux te soigner, voilà, tu vas trouver 2-3 trucs qui peuvent t'aider parce que c'est vrai qu'il y a des combats qui sont pas faciles. Il y a d'autres combats où tu vois, je viens de me rappeler le premier combat contre Métaton, c'est rigolo parce que c'est un quiz et t'as Alphys en fait avec ses doigts, tu sais, qui fait les réponses, genre réponse A et tout, et c'est là où le jeu il commence à partir, je trouve, complètement en cacahuète, ouais, avec son travail sur la typographie, où Métaton il te commence à te dire genre combien font tel chiffre multiplié par tel chiffre, et il rajoute en fait des chiffres au fur et à mesure jusqu'à remplir l'écran. T'avais le même truc, tu sais, avec le chien, quand tu peux lui gratter la tête, il est excité, ouais, et il y a son cou qui grandit, et tu peux le faire grandir, je crois, sur 3 ou 4 écrans. Je m'étais amusé à le faire une fois. En fait, il se permet des trucs. Il s'éclate en fait, t'as vraiment l'impression qu'il se dit bah je vais m'amuser à taper un délire et en fait je m'en fous d'afficher de complètement dégueulasser l'écran avec des trucs tant que ça a du sens ou tant que c'est drôle, tant que ça marche pour la blague quoi, et il va vraiment au bout de tous ces délires quoi. Mais ça fonctionne, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait ça fonctionne à chaque fois. En plus il y a des références cachées, alors évidemment dès que tu commences à taper dans la pop culture ou que ce soit, il y a des références en permanence. Mais le cou du chien, c'est génial, le dogo, tu lui grattes la tête et il a le cou qui grandit, au bout d'un moment tu te dis bah il va arriver au bout de l'écran, bah non il revient. Genre ils ont l'air à foutre, le développeur il se dit bah tiens pourquoi pas, il a la tête qui revient et toi tu peux continuer, et lui il a prévu, et en fait je sais même pas s'il y a une fin. Au bout d'un moment j'ai arrêté, je me suis dit mais c'est complètement taré, genre je vais remplir l'écran d'une tête de chien, enfin ça n'a aucun sens. Mais il s'en fout, tu vois, parce que bah c'est marrant, ça réagit avec l'univers. De toute façon l'univers lui-même n'a pas vraiment de sens, donc c'est pas, enfin c'est pas qu'il a pas de sens, mais il a ce côté un petit peu décalé. Tu sais qu'à tout moment le jeu en fait il peut partir en vrille, et ce que je trouvais génial, tu le disais tout à l'heure pendant la préparation, c'est qu'en fait dès les premières secondes du jeu tu le sais en fait, ça, quand Flowey te met un cadre autour de ton petit cœur et que tu te dis bon bah je vais jouer dans ce truc là et qu'en fait il envoie des boulettes depuis l'extérieur, tu te rends compte tout de suite que la notion de cadre elle existe pas. Très rapidement, tu te rends compte qu'en fait il y a un truc qui est dessiné, mais c'est pas vraiment ça, c'est pas une vraie limite, on va pouvoir jouer avec ce truc là. Et le jeu, de manière tout à fait subtile et très maline en fait, t'explique que bah de toute façon t'inquiète pas, ce cadre là on va l'éclater, on va en faire n'importe quoi, au bout d'un moment même ça ressemblera plus à rien. Même l'interface peut être, on peut la twister, on peut en faire ce qu'on veut. Et du coup bah finalement c'est je pense que c'est assez révélateur de la culture de Toby Fox, qui est pour moi c'est vraiment un enfant d'internet, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a toute cette culture là. Alors le jeu il est rempli de références à des mèmes, les fameux Logos, ça on sait que Internet c'est un peu son kiff. Et même le fait, tu vois, le boss Flowey en Photoshop dégueulasse, ça aussi c'est quand même très culture Internet dégueulasse, fait sur Paint immonde. Et finalement le fait qu'il se permette tous ces trucs là et qu'il fasse toutes ces références, ça crée un jeu qui a une... En fait pour moi Undertale, on disait que c'était un peu un... On réfléchissait, on se demandait si c'était pas un jeu un peu générationnel en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est arrivé avec quelqu'un qui a tout un bagage culturel qui est très ancré dans le JRPG, qui a compris toute cette grammaire, qui l'a vraiment digéré et qui l'a même déjà questionné dans l'idée de voilà, c'est quoi l'expérience, pourquoi je peux pas parler aux ennemis, etc. Donc il y a tous ces codes-là qui sont pris. Il y a tous les codes d'Internet, tout le fait de se dire que tout est permis, rien n'est vrai, tout est permis. Ça, c'est les codes d'Ubisoft, a priori. Non, mais le fait de se dire, bah voilà, je peux jouer avec l'interface, si je veux, je peux faire des trucs dégueulasses, faire apparaître des gros nombres comme ça sur l'écran, c'est possible. Et en fait, ça crée un jeu qui a une tonalité très particulière et qui, je pense, au moment où il arrivait, correspondait, représentait, cristallisait presque toute une espèce de... Ouais, d'une culture qui était, d'une sous-culture qui était sur Internet et qui demandait qu'à s'exprimer, quoi. Et ce que je trouve assez beau, moi, avec Undertale, c'est que, ouais, il y a toute cette couche, donc, Internet, hein, dans l'iconographie, comme tu disais, avec les chiens, les blagues et tout. Mais Internet, bah, c'est aussi l'endroit où t'as le meilleur et le pire, hein, de l'humain, hein, clairement. Et Toby Fox a dû le vivre un petit peu aussi, puisqu'il a quitté, du coup, les réseaux depuis la sortie de Undertale. Mais ça reste un jeu... qui essaie de garder le meilleur, en fait, justement, des interactions sociales, où c'est pas, on va pas se moquer des ennemis, on va pas justement les tuer, c'est un jeu qui va nous pousser à comprendre l'autre, à dépenser un petit peu d'énergie, à prendre du temps sur soi, pour juste rentrer dans l'empathie. C'est peut-être un petit peu naïf, ça c'est un truc qu'on peut noter aussi, qu'on s'était dit entre nous, moi j'y vois une forme de beauté, mais un peu comme un doux rêve, hein, parce que, bah, évidemment, tout le monde, parfois on est face à des situations où il n'y a pas de bonne résolution. C'est un jeu, en fait, où si t'es gentil avec tout le monde, le jeu sera gentil avec toi. C'est-à-dire qu'il y a assez vraiment... voilà, il n'y a pas de moment où le jeu va te trahir, même Toriel à la fin, même Azriel, pardon, l'enfant, tu vas quand même pouvoir le sauver à la fin en étant gentil, quoi. Mais pour une personne et un jeu qui est nourri à la culture internet, on se retrouve quand même avec un message qui est assez beau et qui est délivré de manière intelligente aussi. J'ai cru que t'allais partir sur un truc hyper poétique. Tu es délivré de manière... Non, intelligente, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai, c'est un jeu qui est brillant. Hein. Oui, c'est ça, c'est un jeu qui réussit en fait à garder le meilleur des interactions et qui va être... tu sais, c'est vraiment le jeu où tu te dis, bon, c'est pas je vais voir le verre à moitié plein, c'est le verre, il déborde, tu vois, il y en a partout, parce qu'effectivement, il veut essayer de montrer cette approche extrêmement positive à tout prix. Et ça c'est quelque chose de très très fort, et je pense que c'est ça en fait qui a été détourné et qui a été pris comme un porte-étendard ou comme un message, tu vois, parce que ce qu'il faut se souvenir, c'est que 2015, on est aussi dans la période d'Internet où ça fait 2-3 ans qu'on a le Gamergate qui est en train de vraiment répandre toute sa couche de haine sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Reddit, 4chan, Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez. Et c'est une période où en fait on commence, je pense, l'humanité à se rendre compte que les réseaux sociaux c'était peut-être une connerie. On a peut-être fait une connerie en autorisant ces trucs-là à être aussi présents dans nos vies. Et on commence à se retrouver, bon bah oui, ok, on a un réseau qui est horizontal, on peut discuter avec tout le monde, mais est-ce que j'ai vraiment envie de discuter avec tout le monde? Et bah, on l'a vu, je veux dire, ça a créé des communautés absolument horribles de gens qui se détestent, ça a créé des problèmes, il y a eu des débordements violents, etc. On va pas refaire toute l'histoire malheureusement. Mais je trouve qu'en 2015, quand c'est arrivé, c'est pour ça que tu disais que c'est arrivé à un moment très particulier, et lui il arrive avec cette vision de, ben non, regardez, je vais vous montrer un truc où tout est beau, où tout est possible d'être beau, et à l'inverse, si tout est moche, ben je vais aller jusqu'au bout et je vais vraiment vous retranscrire ce que c'est de faire des choses horribles, et après, ben, c'est à vous de gérer. C'est-à-dire que, tu vois, il prend pas position. C'est ça que j'ai trouvé un petit malgré peu... Malgré tout, si, quand même. Oui, parce qu'il y a quand même une envie de dire que c'est la bienveillance et que c'est ça qu'il faudra faire ressortir. Non, mais c'est le message jeu, qui pousse. Mais c'est-à-dire qu'il va te juger parce que t'as fait du mal, mais parce qu'il faut bien qu'on te juge si t'as fait du mal. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quelque chose finalement d'assez simple d'un point de vue de morale. Tu fais une connerie, bon, bah t'as une punition et t'as une conséquence en fonction. Ouais, mais quoi. C'est un jeu pour moi justement qui ne laisse pas place au doute, en fait. C'est-à-dire, tu sais, en ce moment, je suis en train de regarder Watchmen, la série qui est très bien, je vous la recommande. Et par exemple, il y a un personnage dans le livre qui s'appelle Rorschach, et en fait Alan Moore l'a créé pour être un personnage mauvais, tu vois, c'est un personnage, c'est un fasciste, tu vois, Rorschach, c'est comme ça qu'il l'a pensé. Mais en fait Rorschach, il y a plein de gens qui se l'ont approprié en faisant un espèce de héros, justement une espèce de ligne de la justice. Et Alan Moore dit que justement il considère que Watchmen c'est un échec parce que justement il est trop ambigu, et alors que là ce n'est pas du tout le cas, tu vois. Undertale c'est vraiment un jeu qui est extrêmement bienveillant et tu peux pas le prendre autrement. Même si tu fais la run génocide, le jeu il t'en met de toute façon assez dans la gueule pour bien que tu saches que ce que t'es en train de faire c'est de la merde et que ce qu'il fallait faire c'est être bienveillant. Mais c'est parce que ce que tu fais c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois ce que je veux dire? Il laisse pas la place en l'ambiguïté, contrairement à beaucoup d'autres. Le message il est très clair. Le message il est clair, mais parce que le message il doit être clair. En fait, c'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est assez compliqué. C'est parce que comme ça a été pris comme une espèce de porte-parole ou de porte-étendard politique, le fait est que bah oui, quand t'es méchant avec les gens, bah oui, il y a des conséquences de merde. Ouais, tu tues des gens, tu t'attendais à quoi? On n'allait pas te récompenser, on n'allait pas te filer un pins. Donc là, du coup, le jeu, il te met face à des situations qui sont finalement assez logiques. Mais ce que je disais dans la préparation, c'est que pour moi, une fin qui aurait été plus réaliste, qui n'est pas aussi idéaliste, c'est une fin neutre où, bah, de temps en temps, par frustration ou quoi que ce soit, tu vas recourir à la violence parce que bah, dans la vie, on fait des choix de merde et on doit vivre avec après. Mais de toute façon, au-delà du message moral, là où Undertale il est aussi très marquant, c'est dans son contexte de jeu vidéo. Si tu le compares à tous les autres RPG, son message il est d'autant plus marquant. Surtout qu'on l'a déjà évoqué, mais on l'a pas forcément dit de façon hyper claire. Mais comme on disait, si t'as fait la road génocide avant, le jeu n'oublie pas. Même si que tu désinstalles le jeu, que tu essaies de supprimer ta sauvegarde, le jeu s'en souviendra toujours. Et ça, c'est une astuce pourtant qui était permise par tous les autres jeux d'une façon générale. C'est le très classique, bah tiens, je vais le tuer et hop, je recharge ma sauvegarde pour voir ce qui se passe si je le laisse en vie, et je choisis la meilleure décision des deux. Tu vois, il y a eu un petit peu cette optimisation morale en fait dans les RPG, et là Undertale il te laisse pas ça, tu vois. Si t'as tué les gens, il n'oublie pas et il te juge en permanence. Ouais, ça, c'est vrai que c'est assez intéressant comme aspect, parce que tu vois, la sauvegarde, c'est un peu l'amélioration qui a sauvé le jeu vidéo à une époque, parce que ça permettait de se sortir du cadre des parties qui duraient 15 ou 20 minutes. Mais effectivement, ça a apporté ce paradoxe-là de, bah, du coup, tu peux toujours revenir en arrière et toujours annuler ce que tu viens de faire. Je veux dire, le F5, F9 du Quick Save, Quick Load, c'est vraiment un truc qui est devenu presque naturel dans pas mal de jeux. Surtout dans des jeux à choix. Et comme tu le dis, voilà, il y a un côté très pragmatique de, bon, bah, je vais choisir le meilleur choix. Des fois, ça va être, tu sais, c'est chaotique bon dans ce cas-là. C'est, tu vois, c'est vraiment des fois ça va être de tuer quelqu'un, des fois ça va être de l'épargner. Pourquoi? Bah parce que là je gagne plus d'XP, là je vais gagner plus d'or, etc. Mais t'as une relation extrêmement matérialiste aux choses, et du coup effectivement Undertale il arrive avec cette proposition de, en fait tu gagnes rien, tu vois, c'est pas des histoires, tu vas gagner de l'amitié mais ça se quantifie pas, c'est pas quelque chose que tu peux prendre, que tu vas mettre dans un compte en banque ou quelque chose, c'est quelque chose d'intangible, mais elle est là et il arrive à te récompenser avec ça. Et c'est effectivement là pour moi que le jeu il est effectivement très fort, parce que bah, c'était, je pense, la première fois qu'on voyait ça de manière aussi éclatante dans un jeu vidéo. Non, et puis en plus, il va à contre-courant du jeu vidéo dans son truc, mais aussi esthétiquement, tu vois, c'est quand même un marqueur. Vraiment, Undertale, c'est le jeu que tout le monde a dit, voilà, c'est un jeu moche, tu vois, quand il est sorti, on en parlait comme ça, du jeu moche. Alors que bon, en fait, il y a cet avantage d'avoir peu de détails, c'est que ça te permet un niveau d'abstraction et de créer des ponts d'empathie, de créer des personnages et de pouvoir voir des émotions, de pouvoir te projeter. Et ça aussi, c'est ce que permet, c'est ce qu'on connaît dans les dessins animés, l'animation, etc. Mais je pense vraiment, pour sortir mon petit paysage vidéoludique, tu vois, quand Undertale il s'est posé, c'était un peu un pavé dans la mare, tu vois, c'est un espèce de truc qui s'est foutu en plein milieu comme ça, en disant, bon bah voilà, moi je vais être bienveillant, moi je ressemble à rien, et pourtant on va pouvoir avoir de l'émotion beaucoup plus que si on avait des personnages qui étaient photoréalistes et compagnie, quoi. Oui, ça, il a laissé plein de trucs. On a parlé de tous les fanarts, de tous les personnages, de toute l'écriture qu'il laisse, puis il y a évidemment, on l'a pas dit, mais les musiques il laisse les musiques qui sont vraiment cool, et même elles sont aussi un outil, tu vois, elles sont là, il y en a quoi, il y en a une centaine, ouais, musique, 101 ou 102 morceaux pour un jeu de 7 heures, c'est affolant, tu vois, c'est fou. Parce que, et t'en as, et ça donne aussi justement de l'identité à des personnages, ça donne de la consistance au monde, on parlait de densité, et du coup ça participe à cet écosystème, en fait, à vraiment ce monde qui se tient, ces personnages, comme on le disait, qui sont écrits et qui vont réagir en fonction des différentes choses, mais toujours de façon cohérente. Il y a ce monde, en fait, Undertale, et c'est les musiques aussi, elles participent à ça. Et pour l'anecdote aussi, si on fait une run génocide, les musiques, elles se déforment. Il y a tout ce soin qui est apporté jusque dans les musiques, quoi. Ouais, puis c'est vraiment un jeu, c'est le genre de jeu, tu sais, que tu peux retraverser justement en écoutant la musique, tellement elles sont marquantes. Enfin, franchement, il a réussi à faire quelque chose d'incroyable, quoi. Encore une fois, c'est quand tu réécoutes les thèmes, t'as l'impression que ça, tu sais, ça répond à plein de thèmes que tu connais déjà un petit peu du jeu vidéo. C'est-à-dire que quand il fait le thème de du village de la neige, tu vois, tu sens que c'est les sonorités qu'on connaît. Alors je sais pas si vous connaissez ce mec sur YouTube là, le mec qui est chauve, qui fait des vidéos games de musique. Et clairement, tu vois, tu sens que Toby Fox il a cette culture là et que justement il a pu s'amuser avec ça. Et c'est pour ça que toutes ces sonorités, dès qu'on rentre dans un endroit spécifique, on arrive à se raccrocher à des choses parce qu'on a cette culture jeu vidéo. Et je pense qu'Undertale c'est un jeu qui s'apprécie d'autant plus quand t'as un petit peu cette culture là du JRPG, du jeu NES, Super NES, de la Game Boy, même des trucs comme ça, tu peux te raccrocher à plein de choses, et c'est très fort. Et je pense que c'est pour ça que moi le jeu je l'ai fait qu'une fois, et il y a plein de musiques dont je me souviens, et un des seuls jeux dont je me souviens autant des musiques, c'est Pokémon Bleu et Rouge, et je l'ai fait 500 fois, tu vois. Donc il y a quand même vraiment une force musicale qui est assez impressionnante quand même. Sachant que, comme tu l'as dit, les musiques elles sont liées au lieu, mais également aux événements, et c'est ça qui est fou, c'est que genre, il y a des petites musiques, genre tu me remets la musique instantanément de la course d'escargot, c'est une fraction, ça dure 20 ou 30 secondes, tu vois, mais je la connais cette musique-là parce qu'elle est vraiment rigolote, ou quand tu choisis différentes musiques du DJ Nastablook quand tu vas dans sa maison, enfin, il y a tout un tas de moments, tu vois, toi tu citais le combat contre l'araignée, je l'avais oublié, mais on a tous comme ça des petits moments, tu écoutes la musique, tu te replonges instantanément dans ce lieu-là, et ça c'est particulièrement fort. Par contre, ce que tu disais et que je trouve assez intéressant là, c'est l'idée que, tu vois, on parlait d'un jeu générationnel, mais comme tu l'as dit, on a besoin d'une certaine culture, et je pense qu'effectivement pour comprendre à quel point Undertale c'est un jeu qui a transformé les choses et qui fait avancer un petit peu le schmilblick, c'est que effectivement il faut que toi aussi tu sois un peu nourri de ça, parce que bon, il tape quand même très large, on a parlé de la culture internet, on a parlé des mèmes, on a parlé des jeux vidéo, etc., on n'a pas parlé de l'animation japonaise, mais bon, quand t'as un truc qui s'appelle le Thunderplane, qui est l'avion dont t'as pas trop le droit d'approcher, mais quand tu l'approches pas trop il est quand même gentil, tu vois, comme les tsundere dans les mangas, enfin t'as tous les trucs liés à l'animation, tu vas avoir tellement de références à droite à gauche, t'as des ennemis qui sont tirés d'autres jeux, etc. au final, tu vas réussir à peut-être avoir quelques trucs avec lesquels tu vas te raccrocher et tu vas pouvoir rentrer dans l'univers. Mais si tu n'as aucun de ces éléments-là, tu vois, si demain tu prends une personne qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, tu la mets face. Ma petite sœur, par exemple, qui a joué quand même à quelques jeux vidéo, mais qui n'a pas du tout cette culture-là, JRPG, les trucs au tour par tour et tous ces trucs-là, bah Undertale a trouvé ça chiant parce que je pense qu'elle n'avait pas assez la grammaire, tu vois, pour rentrer dedans et pour se dire attends, c'est génial, je peux discuter avec les monstres et tout, c'est trop cool. Parce qu'en fait, l'espèce de surcouche esthétique, elle va pas comprendre. Elle va pas pouvoir rentrer dedans, tu vois, ça va créer un mur. Alors que pour nous, c'est une porte d'entrée, tu vois. Et du coup, je pense que bah, elle, qui a 10 ans de moins, elle a eu du mal, elle a trouvé ça chiant, quoi, Nortel. Juste, j'y pense pour revenir à la grammaire, t'as ce moment aussi tout con, on parlait un petit peu des puzzles où faut pousser des pierres et tout. Ah oui, et oui, puis, oui, voilà, bah, ouais. Là, tu veux pousser une pierre, t'as fait ça dans Zelda, t'as fait ça dans Pokémon, t'as fait ça dans plein de JRPG. Là, tu pousses une pierre, la pierre fait ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me pousses? Faut me demander, et en gros, faut lui demander la permission de pouvoir la pousser. Et ça, c'est un truc. En fait, si tu n'as pas fait beaucoup de... Ah, c'est ça. Ça peut faire rire n'importe qui, mais ça te fait rire à deux niveaux, tu vois. Si t'as déjà poussé des centaines de pierres à la con dans des JRPG, bah du coup, tu apprécies en fait cette différence. C'est une surprise en fait pour beaucoup de joueurs. Ouais. Non mais c'est pour ça, c'est un jeu qui va piocher partout et je pense, et ouais, j'en parle d'un jeu générationnel parce que je pense que quand t'as notre âge, quand t'es un millénial comme Toby Fox, bah quand tu rentres dans le jeu, ces trucs, ça te parle en fait parce que si t'as joué aux jeux vidéo, des trucs comme ça, et la niche par laquelle le jeu il a commencé à exploser, c'est ces gens-là en fait, c'est des gens qui sont sur internet, qui aiment bien, qui jouent sur leur Nintendo DS, enfin, c'est cette culture-là quoi. Puis on a pu le dire pour plusieurs jeux, on est toujours aussi dans cette continuité des jeux qui sortent d'un certain cadre, qui proposent d'autres discours en fait sur le jeu vidéo. On a déjà pu citer Gnome, ouais, qui était un des précurseurs. C'est quoi, c'est 2012-2013 si je dis pas de bêtises. On a pu citer Firewatch et là Undertale, on est dans cette continuité et il a sûrement influencé d'autres jeux. Le premier épisode qu'on avait fait c'était Céleste, c'est un jeu qui nous parle d'accepter nos faiblesses, et Undertale, moi je le vois l'empathie aussi c'est une force en fait, il n'y a pas que voilà, tuer les gens et devenir fort, bah, les comprendre et discuter avec eux c'est aussi une force qui demande des qualités comme la détermination, la patience, ça, ouais, et la détermination, ouais. Et c'est un jeu qui veut te connecter un petit peu à des personnages, et t'as un jeu, alors je l'ai pas encore fait mais je suis assez curieux, c'est Kind Words. Je sais pas si vous connaissez. Où tu peux envoyer des petites lettres. C'est ça, en fait. Tu envoies des lettres et là ça te connecte à d'autres joueurs en fait. Tu envoies des petits mots, les gens ils vont te répondre et le but c'est de s'envoyer des mots doux, de partager, je sais pas, tes inquiétudes, tes angoisses ou tes plaisirs. Juste partager et les gens dans un cadre bienveillant vont réagir à ça. Je suppose que c'est complètement anonyme. C'est ce qu'on appelle un peu maintenant les care games, hein, c'est toute cette espèce de vague. Et je pense qu'effectivement, ouais, si Undertale. C'est quand même un jeu, je parlais d'un jeu sacré, d'un jeu culte, mais c'est un jeu pour certaines personnes qui a quand même une place très très très importante. Bon, c'est pas le cas parce que pour moi, parce que ça a été, voilà, c'est comme ça, ça marche. Moi, j'aime bien tuer des monstres et prendre du sang, c'est comme ça dans Bloodborne. Mais Undertale, je comprends pourquoi c'est un jeu qui a été aussi important pour certaines personnes. À la fois, c'est un jeu vraiment intelligent, c'est un jeu rupture quand même, c'est un jeu qui arrive à casser des codes et à en faire quelque chose d'intelligent, mais en plus qui fait à la fois le pont, en fait, avec des choses qu'on connaît et auxquelles on peut se rattacher. Parce que c'est pas que culturel aussi, tu vois, il y a des trucs aussi sociétaux où du coup il va y avoir beaucoup d'idées sur la représentation, sur la diversité, le fait que ton personnage, on s'en fiche qu'il soit un homme ou une femme, le fait que les personnages soient pas forcément genrés de manière extrêmement spécifique, etc. Bah ça permet aussi à tout un tas de gens, de joueurs et de joueuses, tu vois, qui se voyaient pas forcément avant sur le petit écran, là de se dire bah tiens, j'ai un jeu qui me ressemble, j'ai un jeu qui me parle enfin, tu vois. Et je comprends aussi que du coup pas mal de gens se l'approprient parce que c'est vrai que finalement des jeux comme ça, on n'en voyait pas tant que ça, et moi je me suis retrouvé bêtement, hein, je veux dire, il n'y a pas de honte à se retrouver, parce que moi je suis une personne cis, blanc, etc., donc plutôt standard, je suis le type le plus lambda du monde, mais par contre, je me suis retrouvé face à des situations et des personnages que j'ai pas l'habitude de croiser dans mon quotidien, et je me suis dit, tiens, c'est cool, j'ai l'occasion comme ça de vivre par procuration une situation, le jour où je vais la vivre en vrai, peut-être que je vais éviter de faire le même genre de questions débiles, de faire un peu le mettre les pieds dans le plat, et je vais justement passer outre, tu vois, une différence physique, ou je sais pas, sexuelle, ou genre ce que tu veux, et directement discuter avec la personne qui est derrière là, parce que le jeu finalement, cette idée d'empathie, comme là t'es face à des personnages qui sont des monstres, tu vas parler à des squelettes, tu vas parler à des poissons, tu vas parler à des grenouilles ou ce que tu veux, tu dois passer outre les apparences, et ça c'est tout bête, mais c'est un message qui pour le coup est effectivement assez naïf, mais qui est également extrêmement puissant, tu vois. Je me retrouve beaucoup dans ce que dit Max, c'est-à-dire que c'est un message qui est très fort de dire tu vas au-delà des apparences et tu t'intéresses à ce qui se passe derrière cette apparence là, tu vois. Sens, c'est un squelette, mais en fait c'est le type le plus flemmard de l'univers, mais en réalité il a un cœur gros héros comme ça parce qu'il s'occupe trop de son frère et il l'adore et il essaye de l'aider, etc. Enfin, ils ont tous comme ça un truc. Quand tu vas au-delà du premier contact, tu te rends compte que c'est des gens riches. Et ça, je trouve que c'est un beau message à transmettre dans un jeu vidéo. Eh bien, belle conclusion. On allait assez vite, hein. On se disait qu'on allait dire plein de choses parce que c'est un jeu qui déborde, qui est vraiment extrêmement dense. Et comme d'habitude, les jeux les plus denses, j'ai l'impression qu'on les punch dans tous les sens, qu'on sort ce qu'il faut et ça va assez vite. C'est tellement préparé. Enfin, faut aussi se dire que c'est un jeu qui, du coup, fait peur parce que le côté sacré, on en a bien conscience. Oui, c'est un jeu qui peut être impressionnant. C'est intimidant. De se lancer sur des trucs comme ça, qu'on sait justement qu'il y a des gens qui sont aussi à fond. Enfin, je veux dire, pendant la préparation, il y a même Max qui s'est dit, voilà. Voilà. Est-ce qu'on dit sens? Est-ce qu'on dit sans? Voilà, faut savoir quand même parce qu'on va nous attendre au tournant. Alors, j'imagine que la communauté autour de Fin du Game est aussi très bienveillante et je sais qu'on ne nous jugera pas sur nos accents anglais. Lol, c'est pas vrai. Voilà, la naïveté tout de suite face à la réalité. Ouais, voilà, tu vois, je suis redevenu naïf, mais ça va, dans quelques secondes, je redeviendrai. Du coup, tu vois, on peut retourner le problème, c'est-à-dire que le fait qu'on se rende compte que ce jeu a une telle importance, ça, en fait, c'est simplement le témoin, effectivement, de l'importance et de la place vraiment unique qu'il a dans le paysage vidéoludique, c'est moi qui vais le dire aujourd'hui. Parce que, justement, il y a peu de jeux, en fait, où il y a ce côté un peu sacré, où j'aurais du mal, en fait, à le dire. Tu vois, il y en a quelques-uns, instantanément, tu vois, j'ai pensé à Diablo, j'ai pensé à des Dark Souls, j'ai pensé à quelques monstres sacrés qui, pour moi, ont une importance vraiment très forte. Mais Undertale, il en a une aujourd'hui, tu vois, parce que il est arrivé un moment dans ma vie où j'avais vraiment besoin de ce côté un peu bienveillant et j'avais besoin de reprendre un peu confiance dans la vie. Et clairement, je veux dire, Undertale, je m'en souviendrai toute ma vie comme un truc comme ça. Donc le fait d'avoir un petit peu peur, ça montre aussi un petit peu du respect, forcément. Mais pour moi, c'est vraiment révélateur de oui, c'est un jeu vraiment unique. Et je comprends en fait qu'on puisse en dire que c'est le jeu de la vie. Moi, ça me choque pas. Tu vois, il y a des moments où quand on me dit le jeu de la vie, machin, ça me fait lever les yeux au ciel. Que quelqu'un me dise c'est Undertale, je comprends. C'est un jeu qui a toutes les qualités et le chat qui gratte la porte et qui a vraiment toutes les qualités, tu vois, et toutes les armes, tous les outils pour devenir effectivement un jeu unique dans la vie d'une personne. Et du coup, l'année dernière, il y a quasiment un an, un peu plus d'un an, jour pour jour, je crois que c'était le 31 octobre 2018, qui est sorti donc Deltarune. Là aussi, c'est un anagramme de Undertale. Et il y a juste un premier chapitre qui est sorti. Personne n'y a joué ici, je crois. J'avais fait le début et en fait, j'avais la flemme. J'ai dit que je jouais 20 minutes. Pas trop la bienveillance cette fois-ci. Moi, je n'ai pas voulu le lancer parce que je me suis dit, je vais être frustré, je vais vouloir le faire aussi, d'un coup moi et aussi, je le ferai quand il sera terminé. Ouais. Oh, tu parlais d'anagramme, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, tu vois, on avait fait plein de notes. Il faut le savoir, en fait, plus le jeu il nous fait peur à préparer, plus on prépare de notes, plus on est au taquet. Mais effectivement, des anagrammes, il y en a en permanence. Hein, tu vois, on parlera juste de Dreamur, le fameux nom d'Asgore et de Asriel qui veut dire murderer. Enfin bref. Il y a Bridge, Deadman. Non, ça c'est l'autre jeu, ça. Il ne faut pas le dire tout de suite. Faut pas tout de suite le dire. Bref, au-delà de la parenthèse sur les anagrammes, le fait est effectivement Deltarune, comme c'était marqué chapitre 1, bêtement, je me suis dit, je vais attendre qu'il soit complet. Alors peut-être que ça vaut le coup quand même de l'essayer, mais du coup, je suis très curieux de savoir comment il va réussir à suivre un petit peu le truc. Moi, ce qui m'a impressionné quand on a fait la prépa, c'est que Deltarune, il n'y a qu'un chapitre, il est dispo gratuitement, il est sorti sur Play 4, sur Switch, je pouvais aller le récupérer gratos, mais il y a déjà une page sur Fangamer où tu peux t'acheter ton coussin, ton t-shirt, ton écharpe. La musique, elle est déjà dispo parce que c'est que le chapitre 1, mais il y a déjà 40 morceaux qui sont dispo sur Bandcamp, il y a dû avoir une version vinyle et tout. Donc il y a déjà tout le fandom, tu vois, qui est apparu et qui suit en fait le truc. Et je me dis, c'est assez incroyable parce que d'habitude, faire une suite, c'est très difficile dans les jeux vidéo, dans le cinéma. Alors les mecs de Portal disaient que ça va, en général, ça se passe bien. Mais là, il faut quand même réussir à arriver derrière Undertale. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même un terrain qui est quand même plutôt, on va dire, en sa faveur. Ouais, j'imagine que ça doit être difficile quand même. Moi, je me mets à sa place, je me dis, alors la pression quand même. Ça doit pas être facile quand même de sortir un autre truc après un monument comme ça. Ça va pas être simple, mais si ça sort et que c'est pas ouf, justement, il en sera peut-être que meilleur, tu vois. il dira, je l'ai fait, tu vois, et au final, c'est pas si grave que ça, tu vois. Puis de toute façon, apparemment, on sait pas vraiment où va aller sa carrière, parce que de toute façon, on l'avait dit au tout début, pour l'instant, il bosse un peu avec Nintendo sur de la musique. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même son premier amour, donc à voir si le game design ça va continuer. Et de toute façon, ce sera très difficile de passer à côté d'un jeu aussi aussi iconique, même pour son créateur, quoi. Ce qui est sûr, c'est que en tout cas sa carrière elle est démarrée désormais et elle va pas s'arrêter d'un coup, tu vois. On n'est pas face à une espèce de succès éphémère, hein. C'est pas Jordi, il a fait une chanson et puis on l'oublie. C'est vraiment genre lui il a fait son jeu mais on va jamais l'oublier. Et le chat aujourd'hui il participe beaucoup à l'émission. Je tiens à dire, d'habitude, si les gens l'entendent, mais c'est rigolo parce que d'habitude il a peur, il a décidé comprend de jouer de Ouais, il a décidé de jouer pendant la fin de l'émission. Le pauvre, il en a marre. Non, mais c'est vrai que d'habitude, il y a ce côté un peu, des fois, tu sais, one hit wonder, ouais, comme on dit, un succès éphémère, etc. Lui, bah non, tu te dis, bah non, au contraire, tu vois, il y a Nintendo qui va le chercher en lui disant, bah, et on reconnaît ce que t'as fait et on voudrait que tu fasses une musique pour nous. C'est Pokémon. Enfin, je veux dire, c'est quand même une institution. Hein. Tu travailles pas sur Pokémon comme tu proposes simplement de faire un petit graffiti. Chez Nintendo, en plus, c'est assez hardcore. C'est pas n'importe qui se pointe. Donc, ouais, c'est clair que donc, pour ça, je m'inquiète pas trop pour lui. Je pense qu'il va pouvoir continuer à faire des choses. Peut-être qu'il a encore d'autres choses à nous raconter. Si par contre ce qu'il avait à nous dire c'était il avait fait le tour dans Undertale, ça me va parce que c'était bien en fait, tu vois. C'était bien, il avait tout mis pour moi, il y a pas besoin de il y aurait pas suite, besoin tu vois, je me dis s'il y avait pas Deltarune, voilà, je m'en fous en fait, quelque part ça me dérange pas. Totalement d'accord. Eh bien, on verra, peut-être qu'on en parlera, je sais pas, dans fin du game, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je ne sais pas, jusqu'à quand on sera encore là. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un an et qu'on est très contents. On vous remercie de nous avoir écoutés, on vous remercie de nous soutenir sur Patreon, on remercie Third Edition de nous faire confiance, et puis ben, on se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de l'année. Je me demande bien de quoi on va parler. Apparemment, c'est quoi, c'est le GOTY, c'est ça, c'est ouais, il paraît qu'on va parler du jeu de l'année. Voilà, il paraît qu'on va parler du jeu de l'année, tout simplement. Voilà, on est comme ça, on est sans prétention chez Fin du Game. Merci de nous avoir écoutés, et puis bah, dans deux semaines. Salut. Ciao.